de sortir. Bravo les super-héros, vous êtes bien tous les mêmes. Les super-héros d'Indestar, c'est les Peck Avengers. Jusqu'à très tard ce soir. Jusqu'à 23h, comme toujours. Vu qu'on est toujours à l'heure. Tant qu'il y aura de la lumière, il y aura du son. Donc c'est si on n'éteint pas la lumière, bah on reste. C'est ça, Thierry a tout compris. C'est pas ça, t'as dit, non? Jusqu'à 23. Oui, la lumière, c'est bien. Hein. Oui, parce qu'il faut quand même dire que c'est le maître, Teddy, c'est le maître du son ici parmi nous. Hein. Oui, et il peut, tout couper s'il veut. Couper le son. Mettez bien la cédille. Mettez bien la cédille à son. Le maître du son, parce que si t'enlèves la cédille, c'est. C'est Garoukou. Ouais, j'ai la ref. Oh là. C'est Coxy, non? Ah, si, c'est ça, c'est Coxy, oui. C'est ça. Oh, oui, un point pour Gryffondor. si un jour on manque de sujet, au fait, vous avez parlé de lumière, on va le passe du son, on fera la lumière. Ah, bah, on est mal sur P40 quand même. Comme ça, on aura fait un son et lumière. Voilà, on a fait son et lumière. Donc ce soir, oui, on va parler son, bruitage, un peu de tout, quoi. Vas-y, imitation de Teddy, vas-y. Merci, Teddy. De l'eau qui goûte. Ouais, c'est ça. Non, raté. Non. Un cheval qui galope. Non. Ouais, vous ne trouverez jamais de toute façon. Des talons aiguilles. C'est très énervant aussi. Un poisson rouge amplifié 1000 fois. Si je vous dis que c'est un instrument de musique. C'est un instrument de musique pas de chez nous, hein, clairement, parce qu'il faut des notes coco déjà. C'est pas souvent originaire de chez nous. Comment ça s'appelle? C'est pas des gambas? Non, c'est le fruit de mer. Des congas, pas... non? Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, non, peut-être des combas ou quelque chose comme ça. Ça peut être pas loin, ouais. Basse, ça sonne pas brésilien. Qui n'est pas la guitare, la basse, mais il y a une histoire de basse sur autre chose, ouais. En fait, c'est deux morceaux de noix de coco, de demi-noix de coco, fixés à un bâton. Ouais, parce que des morceaux. Une grosse et une petite. Et en fait, t'as ton bâton, enfin, t'as un autre bâton qui tape sur les noix de coco et ça fait. C'est un instrument qu'on utilise. Ça pourrait nous rappeler quelqu'un, mais bon. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous a fait le geste en même temps. Oui, c'est vrai, vous l'avez pas vu. Si vous en avez une grosse et une petite. C'est un instrument de musique qu'on utilise en capoeira. Parce qu'ils utilisent des instruments de musique assez différents des nôtres, hein, quand même. Je vais pas vous mentir. De toute façon, oui, c'est assez souvent, c'est totalement différent. Vous faites ce que vous voulez avec vos noix de coco. Merci. Souvent, on les brise. Mais donc, ce soir, oui, son et bruitage, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un son ou une mélodie qui vous a un peu marqué, vous? Par exemple, que ce soit une musique de film, musique de jeu... Ah, musique de film. Oui, j'ai, vas-y, j'ai Daniel. J'ai des souvenirs. C'était Bodyguard, quand Whitney Houston chante... je ne sais plus comment s'appelle la chanson. And I... Oui, c'est ça. We'll always love you. I will always love you. Ça marche mieux quand on baille. Ce qui était extraordinaire, c'est quand il passait ça en boîte de nuit pour emballer. Ça Pourquoi c'est pour ça je m'y attendais bon souvenir. Ouais, c'est ça. Non, mais ça me revient. Non, mais c'était extraordinaire. T'as invité la meuf à danser à ce moment-là. Mais là, c'était. C'était fini. Si là. Tu pêches au pas, c'est que t'es vraiment moche. Hein. C'est que t'es mauvais. Ou alors que t'étais carrément bourré et que tu dégoisais n'importe quoi. Hein. Ça marchait pas mieux quand t'étais bourré? Non, j'ai dit carrément là, carrément. Ouais. Vu comment il expliquait là, c'était bourré à vêtements. Jamais content. Toi, Teddy, t'as une musique? Je pêche au pas avec la musique. Non, mais. Non, moi j'ai pas des... forcément oui, comme j'ai ça. Des, ce qu'on appelle des soundtracks. Qu'est-ce que c'est? Les soundtracks. Bandes originales. Ça s'appelle des bandes originales, les sons de films. Oui, des sons qui sont dans les films et qui sont pas ni le générique, ni le. C'est quoi le début? Générique de début, c'est générique de fin. C'est la bande son. Ouais. Des bandes son et évidemment de manga principalement. Hein. Et donc, quelle surprise! Évidemment. Mais tu pêches pas là-dessus, toi? Je pêche pas du tout avec ça. C'est nul alors, ça sert à rien. Ça fait du bien aux oreilles. Souvent, les soundtracks. Des fois, il y a des voix, des fois pas. Mm-hmm. Ça dépend des soundtracks, évidemment. Mais beaucoup de mangas. Je pourrais même pas en citer un tellement que j'écoute que ça, en fait. Ah ouais? J'écoute peu de musique, mais la plupart, c'est des soundtracks. D'accord. Pour vous dire. Voilà, donc. Ok. Si je peux aller chercher si vous voulez sur YouTube. Bon bah dans 5 heures alors le temps qu'il se décide. Ouais vas-y. Je crois que ce sera mieux. Ouais, toi Thierry, t'as. Moi je me rappelle que quand j'ai vu le film Moulin Rouge, il y a un moment où on est sur le toit du moulin, on le voit tourner et il y a une super musique. Donc je veux absolument pas la retrouver parce que quand à chaque fois que je la retrouve après elle me reste. Ouais, elle reste dans le crâne. Mais j'ai un très bon souvenir. Mais j'ai autre chose à dire, c'est que je joue pas particulièrement aux jeux vidéo, mais en fait quand à mes débuts d'internet j'avais communiqué avec des jeunes sur internet. internet et puis il m'avait dit écoute la musique du jeu Final Fantasy, tu vas voir. Ah. Et des super musiques, et en fait sans jouer au jeu, j'adorais ce genre c'est de musique. C'est monstrueux comment c'est un univers à soi tout seul en termes musical. C'est des compositeurs classiques, hein, on pourrait appeler ça comme ça. Final Fantasy, ils ont un orchestre. Ils sont démarqués avec ça. Mais oui, non, mais résultat, c'est. Ils ont des orchestres qui font des tournées mondiales. c'est monstrueux leur musique. Ah, mais eux, ça fait oui. partie de ce que j'aime. c'est pour ça que c'est monstrueux, sinon ça y serait pas. Bah forcément. Je connais pas de. Si t'aimes pas, tu vas pas dire que c'est bon. Par exemple, c'est... on prend un des plus grands mangas actuellement, One Piece. Ils ont des soundtracks. Ceux qui font les soundtracks, les artistes qui font ça, ils font pas de tournée mondiale pour leur musique, tu vois. Ils sont peut-être connus au Japon et tout ça parce que souvent c'est des stars japonaises, voilà. Ils font, ouais. Mais pas que, hein. Il y a des Français très, spécialistes. Très... Y a... Oui, il y en a. Ouais, bah, il y en a quelques-uns. Souvent c'est japonais. souvent. Ah, bah. Après, si le manga est pas japonais, c'est souvent de la nationalité de, du manga. Non, mais c'est vrai. Souvent, ouais. Faut le dire. Mais oui, c'est rare en fait des orchestres qui peuvent faire des tournées mondiales parce qu'ils ont été connus grâce à un jeu vidéo par exemple ou un manga. Ouais, bah oui. C'est vrai. C'est ce qu'il faut dire. Et Final Fantasy en fait partie. Ouais. Ils ont des CD même. Ah. Et toi, Kevin ? Alors, moi, il y en a plusieurs, vu que je dirais notamment les musiques de Call of Duty Modern Warfare 2, qui est un jeu vidéo donc, et souvent. C'est pas pareil. Ouais, souvent je refaisais ça par rapport aux musiques, par rapport à tout. Ça mettait dans l'ambiance. Il y a manga aussi, mais je pense que celle que je mettrais au-dessus, c'est celle de l'univers Star Wars, quand même. Les musiques, comme par exemple dans le 3, le duel entre Anakin et Obi-Wan, la musique de fond, c'est une des meilleures pour moi. Je fouillais dans mes CD cet après-midi pour essayer de retrouver les CD synthétiseurs qui cartonnaient avant, les reprises de films. Et en fait, je suis retombé sur une interprétation symphonique des musiques de Star Wars. J'ai un CD à la maison. Ces musiques, elles sont... Ça a été décliné en tellement de trucs. C'est vrai, c'est iconique. Il y a quelque chose qui marche bien aussi, c'est la musique de publicité. Dans les publicités, les musiques, souvent, on les reconnaît. Et en fait, il y a beaucoup de morceaux classiques. On ne connaît pas forcément les compositeurs classiques, mais on retrouve les musiques dans les pubs. Et en fait, les gens sont capables de vous chanter. Ah, bah, ça, c'est la musique pour le PQ, ça, c'est machin truc. Mais et totalement. Quand tu leur vrai, dis, oui, ça... Et tu leur dis, et ça, tu sais que c'est Chopin ou machin truc. Donc, il y a des siècles. Mais remasterisé, ça donne un truc excellent. D'accord. D'ailleurs, tu parles de Chopin, j'en profite pour parler de ça. J'ai connu un jeu qui s'appelle Eternal Sonata. Donc dans Sonata il y a Sonate. Ouais. C'est un jeu qui tourne autour de Chopin, un jeu stylisé japonais. Donc, mais donc quelle surprise Chopin, ça aussi. Non mais c'est, franchement c'est assez bizarre, hein, c'est assez choquant. Chopin qui est autrichien je crois. Ou quelque chose du genre. C'est de par là, oui. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le Japon. Enfin, les frontières ont beaucoup bougé ces temps-ci. Ah bah ils ont fait de frontières avec le Japon. Mais bon, ils ont fait un jeu stylisé japonais sur Chopin et sur ses symphonies, sur ses musiques. Le jeu, tu te bats comme un RPG. Ouais. Mais comment dire, tu te bats avec des instruments de musique, en fait, avec de la musique, avec tout est calculé là-dessus sur la musique de Chopin. C'est monstrueux, je le connaîtrais pas sinon ce gars-là, à part ça. Enfin, si de noms comme Mozart, comme Beethoven, tout ça, on connaît quelques trucs d'eux, mais pas plus que ça. Chopin, ce serait pareil. Mais là, je connais pas mal de choses. Enfin, j'ai oublié, mais je connaissais pas mal de choses sur Chopin grâce à ce jeu. D'accord. Ce jeu vaut le coup pour apprendre de la musique, clairement, de Chopin. Ok. Voilà. Moi, je m'en suis rendu compte parce que alors, j'ai énormément de CD, et en fait, j'en ai un, c'est les musiques de la pub, et en fait, c'est du classique. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'on en a déjà parlé dans Starter le lundi de 21h à 22h, attention. Décidément. Souvent 23, hein, je vais pas mentir. On en a déjà parlé pour les publicités de voitures. Je connais des musiques que je connais pas avant, que je connais pas. Et moi je dis, c'est la musique de cette voiture là ou ça. Ah, Théo, il pique une crise. Évidemment, oui, pour Starter, n'hésitez pas à aller retrouver les podcasts sur www.intestar.fr. C'est le cas pour Actu Solite également, qui est le mercredi de 21h à 23h. Et pour Epic Avenger également, pareil. Vous retrouverez des bons sons là-dedans. Il y a des musiques pop des années 80 et avant, donc pas du classique. Oui. Mais, qu'on connaîtrait pas forcément là comme ça. Pub Renault, moi ça me revient dans la tête, mais il faut pas que je commence, sinon ça, sinon ça va rester. Ouais. Mais il y a un titre effectivement que j'écoutais sans l'écouter quand j'étais dans les années 80 et quand j'entends la pub, je me le mets à chanter quoi. Mais est-ce que ça serait pas une stratégie marketing pour toucher justement les cordes sensibles? Ça peut, hein. Si, justement, le but, c'est que les gens... Parce qu'un son, on le retient facilement. Ouais. On le mémorise. Bon, une image, c'est un peu différent. Une image va capter l'attention à un moment donné, mais on va plus facilement garder un son. Donc, c'est volontaire. D'accord. C'est volontaire. C'est trop lourd dans les datas. C'est ça. Non, mais oui, il y a beaucoup de mégaoctets pour les images que le son. Ouais. En quelques kilos... Ouais, j'en ai trop des kilos. T'as trop de son? T'as mangé trop de son? J'ai trop. Non, on n'a jamais trop de son. Ça, c'est sûr. Ça. Bah, après, sur Indestar, on en a aussi du son avec la musique. Ouais, vas-y, je t'en balance un. Ouais, Willow, qui est de. Bah, Willow, qui est une reprise de Sarah H. de Taylor Swift. Ouais, ça, c'est du son. Ça. Sur Indestar. PK Avenger sur Indestar. Ah mais en fait, je suis pas un robot. Les super-héros d'Indestar, c'est les PK Avengers. Jusqu'à très tard ce soir. Jusqu'à 23h. D'ailleurs, tiens, j'ai entendu un bruit de robot. Tiens, ça tombe bien. Il y a des sons que vous aimez pas, vous? Moi, je vais pas mentir. Moi, le son de robot, je suis pas amateur quand même. En vrai? Ouais. J'ai un son, mais c'est pas vraiment un son qu'on entend. Oui. Bah déjà, il y a pas beaucoup de gens qui l'entendent tout court, oui. Déjà. C'est les sons électroniques. Comment on peut dire ça? Les sons des chargeurs, de pas mal d'appareils électroniques. Ah ouais? Ouais. Les bips ou les non. petites vibrations? Non, les vibrations. Alors ça, ça. Et ça perdure comme ça? Ça comme des interférences. C'est non, ça. Alors ouais. Ça, je vais t'expliquer. Ce sont en fait des alimentations à découpage. À quoi? À découpage. On appelle ça à découpage parce qu'on découpe le signal. Ouais. Et au lieu d'être transmis comme on faisait avant sur 50 Hz, qui était un son grave qu'on n'entendait quasiment pas, on le transmet sur 400, 500, 1000 Hz et qui commence à créer un bruit aigu. Mais et donc, vous l'entendez pas? Non, mais et la résonance du transfo fait que parfois on peut les entendre. D'accord. Ouais, mais alors, c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en fait, il y a des chargeurs même de téléphone et tout ça. Moi, je les entends, mais. C'est normal. Peu de gens les entendent après. C'est normal, ça dépend de l'oreille. Moi, quand. J'ai des oreilles de merde. Non, mais. Moralité. Un adulte à 15 000 Hz n'entend plus. Alors, ce qui veut dire que si les autres les entendent pas, le découpage, il y a plus de 15 000 Hz. J'ai des oreilles de bébé, d'accord. C'est ça que tu dis. Voilà. Et moi, je sais que quand j'avais 15 ans, j'ai eu des tests de son. Ouais. On est monté à 22 000 Hz, j'entendais toujours. Normalement, les fréquences de coupure sont à 20 000. Mais maintenant, j'ai une oreille d'adulte à 15 000, ça se coupe d'un coup. D'accord. D'accord. Mais voilà. Nous sommes différents, les musiciens. J'ai une oreille de bébé. Qu'on dit qu'ils ont l'oreille absolue, genre, qu'ils captent les finesses. Ouais, bah oui, c'est vrai. Bon. Vu que Daniel t'a expliqué ça, toi, t'as un son que t'aimes pas? Alors, moi, il y a un son que je supporte pas. Ouais. Mais avant, j'ai envie de vous raconter quelque chose. Oula. Des fois, les sons font... c'est assez bizarre. Après, je vais vous raconter le son que je supporte ou pas. Après, on va garder le plus rigolo pour la fin, finalement. T'es sûr, hein? On rechange pas. Non, alors moi, donc, du fait des séquelles de l'accident que j'ai eu, je ne supporte pas les sons graves. Parce que ça crée une résonance à certains endroits au niveau de mon corps. Mmh. Et c'est une des raisons pour lesquelles, des fois, je pète les plombs. Mais tous les sons graves. Hein? T'arrives à supporter ta voix là? Non, elle est suffisamment pas grave, c'est bon. Et c'est tous les sons graves, il n'y a pas de. Très grave, oui. D'accord. Très grave, presque les infrasons. Par contre, je voulais raconter mon anecdote. Oula. Ah, ça y est, on est parti. Ouais, eh ben, c'est l'heure de l'anecdote du père Daniel. Là, on est parti sur les choses graves alors. Voilà, ouais, c'est ça. Et c'est quelque chose de grave qui m'est arrivé parce que je me suis retrouvé finalement en pleine cambrousse. et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Alors je ne dis pas. Je roulais dans une voiture, je savais quand même qu'elle était usée. Mais d'un seul coup, il y a eu un bordel, c'est pire que... Casse moteur. Oui, il y a une bielle qui était passée à travers le bloc moteur. Ouais, je connais pas, mais ouais, j'imagine bien. Et là, franchement, il nous a coulé une bielle. Là, c'est plus coulé, j'ai tout coulé là. Toi, Thierry, tu as un son que t'apprécies pas, que t'aimes pas? Moi, j'aime pas les outils de bricolage, les tronçonneuses, les trucs comme ça. Là, les meuleuses. Ça, c'est parce qu'il aimait être tranquille. Ça m'agresse. Mais sinon, il y a un truc. Bon, maintenant, on écrit plus à la craie, mais alors quand ça se mettait à grincer sur les tables. Ah oui. Ouais, c'est vrai que oui, les grincements, c'est pas. C'est vrai que les profs gueulaient, c'est vrai, ça, oui. Moi, j'aime bien. Ouais, mais t'es malade, toi, t'es mazou. Ouais, t'es pas normal, hein, vraiment. Ah oui, mais en même temps, j'entends des trucs que personne d'autre entend. On parlait de musique de pub, mais moi, je me rappelle carrément une pub où il y a Elena qui est avec sa bague et qui frotte sa bague au tableau et qui dit vous avez compris ou je recommence? Je sais plus pourquoi c'était, mais. Excellent. J'avoue, quoi, mais. Tous ces sons, ils sont nés comment au final, on peut T'as dire... pas eu peur d'un son, toi? Mais si. Raconte-nous ça. Je l'ai dit. Il a eu peur d'un con, robots. Pas d'un son. Ah. Je l'ai dit, bruit des robots. Comment tu ça, bruit des robots? Non, mais tu sais, le petit. Ouais, j'aime pas, je suis pas. T'as pas les bip bip. Non, il y a ça ou autrement, tu sais, le bruit des fourchettes quand elles cognent contre les dents. Ah. J'aime pas ce bruit, je le déteste. La résonance dans les os, ouais. Ah, je déteste. C'est sympa, ça. Ouais. Tu vois. Je pensais que t'allais dire sur une assiette. Parce que ça aussi c'est bien ça. Alors, sur une assiette, le couteau, ou le couteau. Oui. Alors j'aime pas aussi, mais c'est ça, pas c'est au bon, même ça. Niveau quand même. Ou alors les gens qui grincent des dents aussi. Ah oui. Ça, il y a des gens, ça les dérange, mais à mort. Je dirais que par rapport aux assiettes, ça dépend des assiettes, parce qu'en fait, les assiettes en grès, j'aime bien le bruit des assiettes en grès quand elles ne sont pas trop vernies. Souvent, les assiettes à dessert, quand on prend sa petite cuillère et qu'on gratte légèrement le dessert, ça fait un petit bruit. Et ça qu'on arrive à enlever le morceau de l'assiette. Ça ne grince pas comme une bague, hein, mais je trouve c'est que vrai, ça a un son brut assez d'accord. intéressant. Okay. En termes de son aussi, il y a des gens qui sifflent. Des fois. Ça me fait grave chier les gens qui sifflent. J'aime pas ce son-là. Moi, à part siffler des verres, je sais pas faire autre chose. C'est déjà pas mal. Hein. C'est vrai. Mais donc, tous ces sons-là, ils sont nés comment on peut dire déjà savoir ce que c'est que le son, parce qu'en fait, pour percevoir le son, moi je vous disais tout à l'heure, tiens, on a qu'à parler que le son, il manque pas d'air. Parce qu'en fait, pour percevoir le son, s'il y a pas d'air, il peut pas circuler. Hein, parce que, en fait, ça vient de la mécanique des fluides, en fait. Hein. C'est un fluide qui circule, si vous voulez, comme sous forme d'onde. Donc, s'il y a pas d'air, il peut pas circuler, on peut pas le percevoir. Hein, donc, en fait, comment est-ce qu'on peut prouver ça? Eh bien, il suffit de mettre un objet qui fait du bruit, genre un réveil, vous le faites sonner, mais le faites sonner sous une cloche dans laquelle on a retiré l'air, en fait, une cloche sous vide. Et en fait, vous n'allez rien entendre. Donc, ce qui fait que tout ce qui se produit dans l'espace, si vous voulez, même si des planètes explosent, Star Wars, c'est du fake. voilà, tout ce qui peut se heurter, etc., dans l'espace, comme il n'y a pas d'air, ça ne propage pas. Ça ne pourra ondes, pas se propager. Hein, vous donc, vous aurez compris. Que le matin, si vous n'entendez pas votre réveil, c'est qu'en fait votre chambre, elle est dans le vide, c'est le vide absolu. Quand y a pas d'air. Vous débarrassez de votre belle-mère qui vous appelle tout le temps, vous mettez votre téléphone sous vide et vous dites ah non, mais c'est pour mon téléphone, je mets sous vide pour éviter les microbes, et en fait, tu l'entends pas. Voilà. C'est ça. Donc on précise bien que dans l'ISS, ils sont pas dans le vide, hein. Il y a de l'air. Voilà. Mais par contre, dans Star Wars. Les bruits sont peut-être un peu particuliers. On en a souvent parlé des bruits dans Star Wars. Effectivement, les bruits des lasers, piou piou piou, piou piou. Bah non, en fait, ça ferait non, juste. Ça marche pas. Bah rien. Ça doit être nul sans bruit. Ah bah oui, ça serait nul. C'est pour ça qu'ils ont mis, j'imagine. Hein, mais... Ah, de toute façon, on va dire, des films comme ça sans bruit, ça perd tout son charme. C'est un concept. Déjà, il y a près de 100 ans, on a rajouté le bruit au film, mais c'est pas pour l'enlever maintenant quand même. Hein. Oui. Hein. Alors, vous savez comment ça se mesure d'ailleurs, le son? Qu'est-ce qu'on utilise? Décibels. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme appareil pour mesurer? Des pouces. Non, un décibelmètre. Oui, un décibelmètre, un sonomètre à la base. Et puis sinon, il y a... Un vibramètre. Les météorologues, en fait, ils étudient toutes sortes de choses, y compris ça. Donc une station météo peut capter aussi les intensités de... C'est des pressions. Oui, c'est vrai, c'est exact. Hein. D'accord. C'est le baromètre, c'est ça, pour la météo, c'est ça. Pour la pression, ils utilisent énormément de choses. C'est hyper complexe, la météo. C'est fou tout ce qu'ils peuvent mesurer. Des fois il pleut, des fois il y a du soleil. Des fois... Et en fait, le son, on le mesure sous forme de trois grandeurs, la fréquence, l'intensité et la durée. Le niveau sonore, l'intensité, si vous voulez. Voilà. D'accord. Le fait que ça revienne, donc que ça soit stable ou que ce soit intermittent du spectacle. D'accord. Oui. Et la durée, voilà. D'accord. Okay. La durée, les foie gras. Ça, c'était ouais. Le petit cours sur le son. Oui. Mais oui, c'est intéressant oui. De savoir ce que bah c'est. Oui, toujours quand même. Et qu'en fait, on a un sens. La chance de les écouter. On a un sens formidable qui s'appelle Louis. Hein. Pas Louis d'or, mais. C'est moche d'ailleurs. Il y en a peut-être qui ont Louis d'or d'ailleurs. Ouais. Et qu'il y a des différences entre les êtres humains, les animaux, certains, etc. La perception. Ah, on n'entend pas pareil déjà entre deux humains. Alors. Oui, on vient d'en parler. Oui, ça oui. Justement. Mais oui. En parlant de son qu'on va écouter, je vous propose de... Alors, moi j'allais dire, tu vas nous parler de quoi après Teddy, quand même, un peu annoncer ce que tu vas faire, non? Oui. Par exemple, ça peut être une bonne idée. Je vais vous faire écouter un son. Ouais. Mais après, un autre son. Donc tu vas nous faire écouter un son après un son. Le son, ce serait pas LNB, j'ai pris le train. Si on y réfléchit bien, vu qu'on fait de la radio, on fait écouter plein de sons au final. Oui. C'est que des sons, ce qu'on fait écouter un nos son, paroles. Plus un son, plus un son, ça fait une musique après. Ouais, ça fait pas Véronique. Non, Véronique sans son, non, forcément. Et on espère vous faire vibrer, évidemment. Mais, oui. Donc, évidemment, LNB, j'ai pris le train. C'est vrai? Bah, je peux te dire, ça fait bien mal. Hein. T'as déjà pris le train? Ça t'a coûté cher? Thierry, le plus grand fan d'histoire des animateurs de PK Avengers jusqu'à 23h sur Indestar. C'est vrai que Teddy en histoire, moins. Alors en histoire et en technologie, on peut dire même. Comment ça en technologie? Bah, t'es moins bon que... Voilà quoi, on va dire. Oui. Que d'autres. Non que mais alors, ça dépend pourquoi effectivement, mais il se trouve qu'il y a une personne qui, avec son numéro qui se termine par 70 à son numéro de téléphone, qui a essayé de nous appeler. J'imagine une fois à 21h15. Donc madame, monsieur, si tu te reconnais, voilà. Bah désolé, déjà. Oui, et on vient de vérifier, on a essayé de faire un petit test là pendant la musique, d'appeler le standard, et effectivement, ça ne marche pas. C'est triste. Alors c'est oui, con, ouais. Oui, c'est petit triste. Problème, ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'on aime bien dialoguer quand... Bah oui, on adore quand on nous appelle au 09 70 407 306. Ouais, c'est bien, c'est ça. Une émission sur le son et le son qui passe pas, c'est... Ouais, c'est quand même le con, en vrai. Comme quoi, le Théo, son, c'est complexe. Théo, c'est soit une blague à Théo, soit une blague à Yann, notre technicien. Il m'a débranché là. Le... C'est ouais. Yann, notre technicien, ouais. Qui a fait une blague. Hein. Ouais, il m'a débranché un câble. Bah, quel on est le paye trop cher. Quel est le petit son qui nous l'a coupé? Non, mais par contre, en parlant de son, oui. Moi, ce que je... Tu vas nous en faire écouter, c'est ça? Ce que je vous ai... À tes souhaits. Voilà, t'inquiète pas, j'ai compris ce que tu voulais dire. C'était le son à Teddy. Oui. Oui. Je comptais effectivement vous mettre un son, et si vous pouvez... Essayez de deviner de quel film, film d'animation, il vient. Alors déjà, ça commence par film d'animation. Mal. Film d'animation. Donc ouais. Ça peut être Disney, Pixar, ça peut être pas mal de choses. Et bah, bien sûr, mal. Il faut le titre. Si vous pouvez. Le titre du film ou le titre du son? Le titre du film. Le titre du son, c'est d'accord. Facile, c'est Je m'en vais. On va d'accord. Faire ce qu'on peut. On oui. Va faire ce que vous pouvez. Bon, il l'a dit, Je m'en vais. On va jouer à On arrête de parler. D'accord. Alors je vais chanter. Non. Dites à mes amis que je m'en vais. Tu vas te taire, ça suffit. Je pars vers de nouveaux pays. Chut. La voix me dit quelque chose. L'artiste vous avez reconnu, ouais. Je pense. Vous me dites que je m'en vais. Et c'est tout ce qui compte dans ma vie. Dites à mes amis que je m'en vais. Yana? Non. Non. Non. Mais vous connaissez l'artiste par contre, à la rigueur. Oh. Mais les voix me disent quelque chose. Mais oui. C'est pas Phil Collins? Bah si. Si. Si. Si. T'as cher connu. Wow. Ouais. Ah, l'artiste, c'est facile à deviner. Phil Collins, il est présent dans beaucoup de films d'animation. Ouais, ça. C'est bon, Frère des Ours. Non mais ça aurait été Gainsbourg. Je alors, suis venu te dire retrouvé. Que je m'en vais. J'aurais trouvé hein, non, mais... non, ne l'écoutez pas, il raconte des conneries. Il reste hein. Oui, Phil Collins qui a fait beaucoup hein, beaucoup de, oui, c'est vrai. De soundtrack hein, de, ouais. De films d'animation. Là c'était pour Disney du coup hein, si je me trompe pas. C'est des exact de... c'est ça, oui. C'est génial Frère des Ours. C'est vrai que j'ai bien aimé. J'ai regardé. C'est... c'est, cool. C'est pas c'est bon, cool. mon kiff, mais oui. Alors, on va expliquer d'abord qu'est-ce que c'est le synopsis de Frères des Ours. Grosso modo, c'est, ça se passe pas préhistoire, mais... Il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. À une période lointaine. Ils chassaient à la lance et à l'arc, ouais. Grosso modo. Un petit groupe de chasseurs chasse un ours. Ils savaient pas que c'était une ours et d'accord. Qu'il y avait un petit. La grande ours. Donc effectivement, l'un des chasseurs tue la maman ours. Sauf qu'il va avoir une genre de malédiction parce qu'il y avait une aurore boréale au même moment. Et du coup, il va se transformer en ours. C'est une punition divine, grosso modo. Moralité, ne chassez pas pendant les aurores boréales. C'est ça. Voilà. Voilà, donc il va se transformer en ours et il va rencontrer l'ourson. Qui, où il a tué sa mère. Enfin, qui, il a tué sa mère il a et il va rencontrer l'ourson. Lui, ce qu'il va vouloir faire, c'est essayer de trouver un moyen de redevenir humain. Et je sais plus pourquoi ils vont voyager ensemble, le petit ourson et lui. Du coup, il va se prendre d'amitié avec lui. Au final, la moralité, c'est qu'il va pas, revenir humain. Il va rester avec le petit ourson. Le petit ourson va aussi apprendre que c'est lui qui a tué sa mère, parce que ça, il ne savait pas. Et ça jette un froid quand même. Hein. Alors, mais en bon. Même temps, vu la période, ça jette un froid, c'est peut-être mieux. Oui, c'est dans la glace. Ouais, c'est il va aussi se faire poursuivre par les chasseurs. Il y a peut-être un jour où ça sera plus possible avec la fonte des glaces. Hein. C'est vrai. c'est pas des ours polaires, c'est des ours bruns. Oui. Mais oui, ils vont se faire aussi poursuivre par les autres chasseurs qui pensent que le chasseur qui s'est transformé en ours a disparu et qui s'est fait tuer par un ours. D'accord. Parce que oui, c'est vrai qu'il a disparu. Il y a un nouvel ours qui apparaît. Bon, il s'est fait bouffer. C'est vrai que la coïncidence, oui. On va dire. Du coup, ils vont le poursuivre pour essayer de les tuer. Sympa. Tout voilà. Un programme. La vraie question, c'est pourquoi je vous parle de Frères des Ours ? Parce que t'avais envie de nous parler de Frères des Ours. C'est vrai. C'est pas. Mais c'est... non, c'est parce que je m'appelle Teddy, voyons. Non, je déconne, aucun rapport. Teddy Bear, Teddy Bear, oui. Teddy Bear, pas Bear. C'est pas de la bière. Ouais. Non, mais pour Teddy, si, c'est de la bière. C'est vrai, c'est de la bière. C'est Roosevelt. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est. En fait, c'est grâce à ce film que j'avais en DVD, que j'ai découvert l'univers du bruitage. Ah, je croyais que tu avais découvert ce qu'était un ours grâce à ce film. Peut-être aussi, j'ai déjà vu mon père au réveil. Il y a un autre film qui n'est pas un animé, mais qui est très beau à voir, c'est L'Ours, tout simplement, de Jean-Jacques Haddo. Film. C'est possible. La chasse à l'ours, la rencontre face aux ours dans l'immensité et paysage, c'est merveilleux. Ouais, alors, excuse-moi, est-ce que ça apprend des trucs sur le bruitage ? Ouais, je t'ai interrompu, c'est question. Donc là que tu as découvert. Dans ce DVD, qui est génial, hein, on se dit en passant, il y a des bonus. Ça se faisait beaucoup avant, enfin ça se fait peut-être encore. Ça se fait toujours. Enfin, les DVD ne font plus de toute façon. Si, ça se fait toujours. Ils font des trucs en 4K, donc ça m'étonnerait que ce soit des DVD. C'est plus Blu-ray. T'as Blu-ray et DVD, peu importe. Ça a évolué. Oui. C'est à Blu-ray de rire. Tu avais des bonus. Tu avais un petit jeu d'ailleurs très sympa où tu pouvais choisir ton animal totem. Ouais. Donc tu avais toute une série de questions où tu répondais et tu avais un animal totem pour toi. Moi je me suis amusé à faire plein de questions différentes. Voilà. Et tu avais aussi un documentaire en fait sur comment ils font les bruitages dans le film d'animation. Pour vous donner un exemple, à un moment donné, il y a un ours qui est piégé par un piège humain à corde, vous savez, suspendu dans l'air. Oui. Alors en réalité, je crois pas que ça marche parce que j'ai jamais vu d'ours suspendu par une patte en l'air avec une corde. Mais bon. Je crois pas non plus. Mais... faudrait une chaîne, je pense. Voilà. Et en fait, il se balance l'ours et il se cogne un peu partout. C'est fun. Enfin, voilà. Surtout par si contre, tu regardes. Il y a un bruit de corde. En réalité, une corde avec quelque chose de suspendu, ça fait pas forcément de bruit. Pas forcément, il y en a, ils peuvent le faire si elle est vieille et qu'elle craque. Enfin, je sais pas. Mais t'as pas forcément du bruit. On vient d'entendre Daniel bailler. Excusez-moi. Ça fait par exemple, on a eu du bruit là, c'est bon. C'est un magnifique soundtrack. Ouais, en fait, oui, on essaye d'intégrer en live ce qui se passe. On fait des nouveaux trucs. Ouais. C'est ça, on innove. Mais voilà, par exemple, pour un bruit de corde, d'après vous, comment ils font le bruit de la corde ? En frottant quelque chose. Ils prennent tout ce qu'ils trouvent de toute façon. Bien sûr, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est inventif. Oui, ouais, c'est créatif. Hein. C'est créatif, le métier de bruiteur, ça s'appelle comme ça. Oui, bruiteur. Ouais, faut être très créatif. Puis faut essayer de s'inspirer de ce qu'a fait les autres et en faisant différemment parce que autrement, t'as tu pas copies. Forcément les mêmes outils. Toi, tu penses plutôt que le son qui se rapproche le plus au bruit d'une corde, c'est cette truc là, enfin ce truc là. Ce truc. Et là, dans Frères des Ours, ils utilisaient une vieille chaise. Il la mettait par terre, enfin vous voyez le dossier par terre. Ouais. Et en fait, il déplaçait le haut. Donc autant vous dire qu'il avait un peu défoncé la truc, mais ça grinçait du coup. Enfin, je peux pas vous limiter, c'est compliqué, mais. T'avais l'impression que c'était une corde, hein. Alors que mon interprétation ne ressemble pas du tout à une danse. Suggestif. Non, mais avec un peu d'entraînement, ça le fera. Après, on peut aussi parler de la pluie dans Frères des Ours. Ça m'avait bien marqué. Ploc, ploc. Oui, ploc, ploc. On fait la pluie, alors. Ça, c'est les toilettes qui fuient. Non, c'est plus la grosse pluie en pagaille. Non, mais ouais. Tout ça, ce sont des histoires d'eau. Hein. Et bah, il utilise même pas d'eau pour faire le bruit de la pluie, ce qui est paradoxalement bizarre. Le comble. Oui. Il utilise un truc. Il utilise de la paille, en fait. Et il la frotte. La paille ou de l'herbe, je sais plus ce que c'est exactement. Plus et de la paille, ça fait peut-être. Un bruissement en fait. Plus de la paille alors. Ouais. Et ça fait une impression d'averse. C'est vrai que oui, ça donne l'impression. Ouais. Ouais. Il fait aussi les sabots, évidemment. Ça en. Voilà. C'est compliqué à faire quand même. Pataclop, pataclop, pataclop. Pataclop, pataclop, pataclop. Mais enfin, encore pire. Mais oui, il y a des bruits de sabots à un moment c'est donné. Un dans ventriloque, pataclop. C'est pataclop. pour ça, il utilise des genres de noix de coco. Ça paraît assez logique. Celui-là, il est assez simple. En vrai. Ouais, ça va encore. Et le pire, ce que j'ai vu, c'est que tu vois, il est pas enregistré dans un studio. Enfin, si, mais pas un studio sans image. Ouais, comme nous, on pourrait. En fait, il le fait en direct le son. Enfin, en direct. Il est pas là quand vous regardez votre film derrière son écran. Il doit synchroniser par rapport à. Il synchronise en direct. Donc en fait, il a l'écran devant lui en géant. Hein. Il a un super écran géant. Et en fait, il voit les images défiler. Et il fait le bruit en fonction des déplacements de l'image. Voilà. Donc il déplace sa chaise plus ou moins comme ça. Voilà. Il peut recommencer, évidemment. Il peut faire d'autres choses. Oui, mais comment on fait les voix hein. Sauf qu'on a des signes qui sont inscrits à tout. Quand un on fait le doublage. Voilà. Le doublage, effectivement. Enfin, du moins en France, hein, je connais que celui-là. Ils sont devant avec une barre, d'ailleurs. Ils ont souvent une barre, je sais pas pourquoi. Ils se tapent des barres. Bah, ça doit venir de là, l'expression. Hein. Je pense. Hein. Ils ont effectivement la scène qui passe. Avec les écritures, comme tu l'as dit, et même avec des barres, avec des éléments, en fait, pour qu'ils puissent se repérer dans le texte, peut-être pour des aides de jeu ou tout ça. Et ils doivent dire le texte à un timing bien précis. C'est un peu comme quand vous chantez en karaoké, vous avez, vous savez, l'écriture qui change de couleur en fonction de ce que vous dites. À tel moment, ben c'est la même chose pour le doublage. Voilà, c'est magnifique. Hein. Le sport. C'est oui. Joli, oui. J'aimerais terminer sur le bruitage avec quelque chose d'un petit peu iconique, j'ai envie de dire, dans le sens où j'ai vu un top. En faisant ce sujet, j'ai vu un top de sons les plus iconiques, les plus utilisés dans le cinéma. Enfin non, les plus utilisés dans le cinéma en fait. C'est même pas les iconiques, mais vous allez forcément au moins en reconnaître au moins un. C'est sûr. C'est pour ça que j'ai baissé le son, vous entendez plus rien. C'est bizarre, ça fait On l'a reconnu celui-là, ouais. Le silence. Le son du vide est très perturbant pour certaines personnes. Ouais. Là, c'est pas le son du vide, c'est un cri que je vais vous mettre. Ça, vous devez le reconnaître, je pense. Qui sait ça peut vous évoquer plein de choses différentes. Oui. C'est ça. C'est qui t'as égorgé pour avoir le bruit Un cri de douleur grotesque. ça s'appelle le cri de Willem. Je sais pas, il est. Christophe Willem, la tortue. Attends, oui, c'est. On va découvrir la première fois dans le film Les aventures du capitaine Wyatt en 51. Ça dit pas d'où est-ce qu'il vient, mais par exemple, il est utilisé dans Le Seigneur des Anneaux, il est utilisé dans les jeux vidéo The Witcher 3, et oui, c'est vrai. Oui. Je m'en rappelle. Bah, c'est assez souvent même que dans les jeux, t'as ce cri-là. Ah bah ouais, clairement. Celui-là, c'est le plus connu pour faire quelqu'un qui meurt, par exemple. Ou... Il est utilisé dans Star Wars, il est utilisé dans Indiana Jones, Toy Story. Il est utilisé partout, ce truc. Pourquoi après, celui-là... Ouais, vas-y. Le deuxième, vous allez forcément le reconnaître parce que... Ils en utilisent qu'un seul, de toute façon. Le bruit du camion qui te klaxonne. Ah ouais, celui-là... Franchement... Tu vois, si t'as pas compris que t'es sur le bord du trottoir, là, tu vois, je marche. Mais si on veut avoir la pizza à l'heure, il faut que tu passes. Bah oui, hein, là, j'avais envie de passer, mais putain, ça marche plus le son, merde. Va te faire foutre. Putain, j'essaie de le mettre depuis tout à l'heure, mais ça... Voilà, tu traverses, t'es là. Oh, c'est le bonhomme rouge. Oh, c'est il pas fait grave. Beau, dis donc. Ouais, connard, là. Ça le fait trop bien. Ça le fait trop bien. Ça fait un peu voix ferrée aussi. Hein. Ça fait un peu voix ferrée. Oui, c'est vrai que oui, ça pourrait. Ouais. Mais bon, c'est un son vachement utilisé. Ils en utilisent qu'un seul son de camion, et c'est lui souvent. Le prochain, c'est... Alors, il est très compliqué à avoir. C'est pour ça qu'il n'y en a qu'un seul et qui est utilisé depuis des années. Ah, c'est moi, ça. Les rires d'enfant. Ah ouais. Le tête Didi à claque. Tête à claque. J'arriverai pas à le dire. C'est ça. Thierry, j'aurai besoin de ton aide. Ça s'appelle le Didi, le premier mot. Et le deuxième mot, c'est L-A-U-G-H. Je ne sais pas comment on dit G-H. L'off. C'est lire, rire. Ah, d'accord. Ben, le Didi, l'off. Deadly. Deadly Love. Didi. Ah, Didi. Ah, non. Didi. Je crois que c'était mortel. Non, non. C'est un son. Pour certains, il provoque de l'angoisse. Pour d'autres, c'est juste un rire. Mais c'est vrai qu'il est souvent utilisé même dans les films d'horreur. Quand t'entends ça et que tu vois pas d'où ça vient, et qu'il y a dire, personne la poupée, tout seul, par exemple. T'es tout seul dans une maison, t'entends ça, c'est glauque. C'est très glauque. Mais c'est un son très très utilisé dans le domaine du cinéma parce que c'est très dur d'avoir des rires d'enfants corrects. D'accord. Donc ils n'utilisent pas beaucoup de rires d'enfants à part celui-là. Pour le prochain, c'est classique, je pense. Alors, on remet peut-être à zéro le son. Ah ouais ? Oui. Ah ouais, t'as, ah ouais, ça t'as peut raison. Être pas mal quand même. Ça fait peur à beaucoup de gens, ça. Oui. Ouais. Au début de Zorro. Aussi. Ouais, même dans Fantomas, il me semble. Il me semble qu'il y en a un. Là, j'ai Retour vers le futur, Bambi, Citizen Kane, Star Wars, Castle Thunder. Ah non, ça c'est le. Non. Non, c'est le nom du. Merde, c'est le nom du son. Merde. Non, il s'appelle Castle Thunder. Oh. C'est clair qu'on l'a forcément entendu. Oui, bah oui. Bien sûr. Toujours. Un coup de tonnerre. Il a des rôles au début du générique de la série, oui. C'est oui, c'est ça, oui. Celui-là, on. Alors. Remets le son. Ok, vas-y. C'est parce que je les ai tous écoutés avant. Oui, bah oui, forcément. Celui-là, il est iconique, mais bon, t'aimes peut-être pas l'entendre en vrai. Enfin, je pense. Ah, c'était pas le bruit de ta bagnole qui a explosé, là. Peut-être, peut-être. Nous allons pas tarder à le savoir. Le pétage d'une gueule. Hein, ça fait que ça. Non, ça marche comment ça. Bah, c'est Apollo 11, ça. Je dirais c'est une communication de radio plus. C'est une communication de radio de la flic. Oh, ta gueule. Hein. C'est, oui, une communication de radio de flic. Tu sais, quand ils communiquent avec leur toki, ouais. Souvent, tu comprends pas ce qu'ils disent. Enfin, sauf l'acteur principal quand ils parlent. Mais quand c'est en bruit secondaire, tu comprends rien à ce qu'ils disent. C'est vrai, non, mais j'ai parlé d'Apollo 11 parce que c'était donc la première mission où il y a des hommes qui ont marché sur la Lune. Et je me rappelle d'avoir regardé, d'avoir eu le droit de me lever à ces 4h ou 6h du mat, je ne sais plus, j'ai un doute. Et on entendait les astronautes, donc il y avait du monde qui parlait, qui expliquait, et on avait en fond exactement, à peu de choses près, le même son. C'est pour ça que j'y ai pensé tout de suite. Déjà, ce que je remarque, c'est que quand tu parles et qu'il n'y a pas de bête, ça fait très différent déjà. Oui. Ouais. Je ne sais pas si vous remarquez, ça fait un silence de mort. Ah. Ouais, là, je te jure, j'ai l'impression de parler, c'est trop bizarre quand... Aïe, en fait, on parle aïe, mieux si on était tout seul dans sa salle de bain. Ouais. Et ça résonne dans la baignoire. Ouais. Ah, je voulais pas le mettre tout de suite. Bon, il s'est mis tout seul. Le fail. Oui. Vous voulez recommencer, déjà? Ce qui est marrant, c'est que quand je lance le son, j'ai une image de bébé en train de gueuler. Mais ça correspond pas du tout. Le cri de ton dentiste quand il a appris que tu pouvais pas venir au rendez-vous. C'est vrai, j'avais rendez-vous chez le dentiste ce matin, j'ai pas pu y aller. Pas de batterie. Il a pas plus défoulé sur ta dent. C'est ça. Ça s'appelle le Oh We Scream. Hein? Pourquoi c'est comme ça. D'accord. Ah, parce que peut-être. Oh oui, c'est assez amusant, mais c'est une Américaine qui m'avait raconté ça que, dans certaines contrées aux États-Unis, je ne sais pas où exactement, quand on a mal, en fait, on fait « oh oui ». Et ça fait rire des Français parce que « oh oui », c'est quelque chose dont on a envie, quoi. Et, ah ouais. Alors que « oh oui », ça veut dire « ouille », quoi. Non, là, il fait référence à un personnage, apparemment. Sans doute. Ça veut dire ça? Ben, probablement, enfin, ah oui, oui. J'imagine, oui, si, oui, c'est, oui. Si c'est le « oh oui » comme elle m'a raconté. Oui. Ils l'ont appelé « oh oui » par rapport à un prénom. C'est Howie, il bah vient d'un David film. C'est David Howie. Non, c'est je sais pas. S'il a fait Broken Arrow, oui. Mais non. Ah, Broken Arrow, c'est un vieux film qui a cartonné, mais alors. De 96, je me rappelle pas. Il date de 96 et d'accord. Il s'appelle comme ça, grâce à ce La film. La flèche brisée. Mais, ouais, ça j'aurais pu le deviner en plus. C'est vrai. Mais il est originaire d'un autre film, il vient de la 9e configuration. La chose, c'était la 9e d'accord. Compagnie. Non, en France, non. On s'est arrêté à la 7e. Ouais. Comme tout le monde et pour le sait. Dire, je suis en train de dire qu'ils l'ont même utilisé dans Captain America quand Bucky meurt. Je me rappelle pas. Clairement, mais bon. Peux nous repasser Captain America, là, qu'on avait dit. Non, attends, il y a mieux. Bucky meurt. Ah, quand t'as raté ta batte sablée. Je sais pas comment ils l'ont foutu dedans, mais c'est bizarre. Ouais. C'est vrai que j'ai fait le même cri quand j'ai raté ma batte sablée, oui, c'est vrai. Ah, c'était ça le bruit bizarre que j'ai entendu alors. Exact. Pour celui-là, je m'en rappelle pas. Ah si, je sais. Tu sais, c'est le bruit quand t'as un truc qui arrive. Oui. Regarde, attends. Enfin, non, on va finir à 23h. Ça me dit quelque chose. Et là, t'aurais pu le mettre. Oui, c'est vrai. Ça s'appelle la trompette de Gabriel. D'accord. C'est souvent utilisé dans... ils disent dans les films d'atmosphère apocalyptique. C'est vrai que souvent, quand il y a un truc qui se passe et que c'est grave, tu peux entendre le glas. Ça pourrait marcher dans Luc, je suis ton père. Il y avait une petite seconde de trop, mais ouais. À part ça, ça passe en vrai. On n'était pas si loin. Ouais. On refera la synchro. Oui, plus tard. Podcast. Oui. Et voici le Goofy Holler. C'est le truc de dingo, ouais. Oui. Il vient de chez Disney. Littéralement, le braillement de dingo, apparemment. Mais oui. Comment vous dire? Je sais pas. Bah, juste le beaucoup son. De gens l'ont bien aimé. Du coup, il a été réutilisé dans plein de choses, hein, dans Toy Story, Le Roi Lion, Monstres et Compagnie, oui, Star Wars, Gardien de la Galaxie. On imagine The Mask ou un truc comme ça. Enfin, des bien trucs sûr, déjantés, c'est ça. Quoi. Bien sûr. Et le dernier, Thierry, tu vas aimer. Tous les fans de Cats vont aimer. C'est le cri du chat, hein, clairement. Très connu, très souvent réutilisé. Même quand il n'y a pas de chat, des fois, tu l'entends. Mais oui, ce on truc. L'entend, oui. On sent que ça va faire mal. Mais oui, c'est marrant. Ça. Bah tiens, on parlait de The Mask. Il est dedans. Ouais. Je me rappelle pas dans lequel le pauvre chat se fait balancer. Oui, quand tu balances un chat, souvent, tu vois, tu prends le chat, tu le balances par la fenêtre et t'entends. Voilà. C'est ça. Et t'entends. C'est qu'un détail. Voilà. D'accord. C'était beau, hein, l'écrit. Ouais. Et tu vois, ça fait 9 et pas 10. Si vous avez suivi, oui. Parce que le dernier, je sais pas pourquoi il y a vidéo problème. Non disponible. Je c'est triste. Ça. Eh ben on va se faire cuire un œuf, ça fera un autre bruit. C'est ça. Non, mais par contre, on peut en parler de ce son. Je pourrais pas le faire, mais bon. C'est le cri de l'aigle. Il y a souvent un cri d'aigle qui revient au cinéma. Je sais pas pourquoi il est utilisé aussi d'accord. souvent, parce qu'on voit pas souvent des aigles non plus, hein. Mais bon, il doit être utilisé d'une manière autre. Pour annoncer un truc de mauvais augure, quoi. Bon, sans doute. Remarque, pour un oiseau funeste. Oiseau de mauvais augure, c'est ça comme peur. Un chat, on n'est pas obligé de le voir, apparemment. Effectivement. Par contre, il y a un truc sympa à savoir là-dessus, sur ce cri, c'est qu'il vient même pas d'un aigle. Il vient d'une buse. C'est... Ils nous ont abusé. Ils ont abusé. J'ai cherché une blague, mais je sais pas ça. Non, mais ils ont abusé. Ils ont abusé. Ils abusent, oui. Ça reste un rapace. Ça, oui. Ouais, c'est pas pareil, quoi. Ouais, c'est pas. Autant je peux croiser une buse par chez nous, autant je croise pas souvent d'aigle. Mais bon, c'est. Ouais, c'est ils ont pas pris un lion, va. T'inquiète pas. Ils ont pas pris un lion. Mais d'ailleurs, comment dire. Pour rougir de plaisir. Il y a un studio. Il y a un studio qui utilise un lion. C'est le Metro Goldwyn Mayer. Oui, MGM. Ouais. Ouais. Le soundtrack du lion, j'imagine que. Enfin, je pense que vous avez tous l'image, un cercle, avec un lion dedans. Oui. Et le lion qui rugit. Oui. On l'a tous en tête. Comment ils ont dû le tourner? Est-ce que c'était un son enregistré en direct? Est-ce que c'était un chat? Est-ce que c'est. Je sais pas. Peut-être complètement autre chose. Oui. Oui par contre, j'ai vu les images de comment ils ont tourné le truc. Oui, ils ont mis un vrai lion. Enfin, ils ont mis une vraie tête de lion dans un cercle. Ils ont galéré d'ailleurs, hein. Parce que bon. C'est vrai qu'on ne se laisse pas souvent mettre dans des dans un hublot de machine à laver. C'est compliqué, ouais. Dans un hublot de machine à laver. Bon, tu peux essayer, hein, mais bon. Mais bon. Est-ce qu'on mettrait pas le chat directement dans la machine à laver? Ça serait pas plus simple? Bah, ça rend on a qu'on essayait, même le micro-ondes. Alors, je veux bien qu'on mette. Alors, je veux bien qu'on mette le chat, mais en musique alors quand même. Oui, bah t'entendrais. Non, on va entendre autre chose sur Indestar, ouais, je crois. Chromeo, Greenlight. Peck Avenger, c'est comme. Dans American Pie. Une fois, au stage d'été, les batailles de polochons sont interdites. On en a quand même fait une et c'était trop fun. Mais en différent. C'est sûr que c'est différent, oui. Vu que bon, ce soir, on fait du bruit. Bah, batailles de polochons. Non. Remarque comme du toujours. Du bruit. Oui. Ouais. Andale. Ouais, je sais pas d'où est-ce qu'il vient ce son, mais. Mais c'est truc, comment il s'appelle? La souris qui court vite Speedy aussi. Speedy Gonzales. Voilà, Speedy Gonzales. Arriba yeah. Andale. Mais oui, putain, pourquoi ça reste en tête ça? C'est horrible. C'est bon, c'est trop tard, on l'a en tête. Oui, oui. Il y a un truc qu'on peut moins avoir en tête. En tête par rapport au son, c'est le cinéma muet quand même. C'est compliqué d'avoir le son du cinéma, mais clairement. Ouais. J'ai et pourtant, ça faisait du bruit. Ah bon? Ah bon? le bruit des machines. Et ça va être un mélange de son et de bruit. C'est un peu plus complexe que le cliché qu'on a à la base de se dire bon, on diffuse. Non, un il film, mettait de la musique par contre. Sur lequel il n'y a pas de son et puis il y a un musicien. On se... Oui, effectivement, ça existait, mais pas que ça. Mais il y a quelque chose à expliquer déjà à partir du mot cinéma muet, parce qu'en fait, quand on a fait les premiers films, on les a pas appelés cinéma muet. On a donné le nom de film muet une fois qu'on a fait des films qui ne l'étaient plus. Oui. Donc, si vous voulez, des années 1891 à peu près, 91-95 jusqu'en 1900-1930, et bien on faisait des films, point barre, et puis on faisait ce qu'on pouvait. Et quand on a réussi à faire donc du parlant, et bien on s'est dit, pour opposer au parlant, on va appeler les films qu'on avait fait avant des muets. Voilà. Donc ça n'a pas été appelé dès le départ muet. Au départ, c'était juste du cinéma et c'est après où le muet s'est rajouté. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une terminologie très précise aujourd'hui pour désigner les technologies au cinéma et puis tous les appareils, etc. Bah, tout ça, c'est né au fur et à mesure que l'on a développé la technique. Donc le langage, il est né au fur et à mesure. Mais alors, c'est quand même super intéressant de remonter aux origines et notamment aux États-Unis avec monsieur Edison. Vous avez probablement entendu Thomas de son prénom. Ce monsieur, d'ailleurs, peut-être un peu plus par rapport au son. Hein, mais donc, c'est lui, si vous voulez, qui aurait fait les premiers films. Et nous, on connaît plus les frères Lumière comme ayant fait la première diffusion. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir comme différence, en fait? C'est que, si vous voulez, aux États-Unis, on a créé un appareil pour faire une diffusion individuelle, un peu comme si vous voulez faire du home cinéma, quoi. Vous pouvez diffuser un truc dans un petit espace. Et puis, les frères Lumière, eux, voulaient faire des diffusions publiques. Hein. D'accord. Voilà un peu la différence. Il y en a un qui a inventé le cinéma et l'autre la télé. Grosso modo, on va dire ça comme ça. En tout cas, beaucoup ont essayé de faire des films, et puis on a inventé différents types de visionnage, on va dire ça comme ça. Donc le kinétoscope, c'est pour du visionnage individuel, donc par Edison. Les frères Lumière, en fait, ont fait une première projection publique dans un sous-sol de café à Paris. C'était le 28 décembre 1895. Alors, et après les premiers films sonores, si vous voulez, pour voir un petit peu comment est la chronologie, c'est Don Juan 1926 et Le Chanteur de Jazz 1927. Voilà, je disais les années 30 pour simplifier, quoi. Oui, donc, certes. 30-35 ans de muet, et puis après, voilà, ça, c'est du le sonore. Normal. Et d'un seul coup, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient parler. Oui, qu'il n'y avait pas le son. Et puis, bon, il y a quelque chose aussi, c'était le stockage de ce qu'on filmait. Au début, on ne pouvait pas faire des films. Des grosses bobines. On faisait des films entre 30 et 60 secondes. Donc voilà, c'était pas beaucoup. Et c'était des petites scènes de la vie quotidienne. Vous avez une diffusion qui a été faite autour de 5-10 minutes qui regroupait les premiers films. Et parmi ces films, il y avait Sortie d'usine. Vous voyez des gens qui sortent d'une usine. Bon, wow. Non mais oui, mais c'était merveilleux. Ça, c'est du cinéma. Premier film, se voir sur un écran, et ben oui, ça doit faire un choc quand ça n'existe pas, que d'un seul coup on se voit. Hein. Ouais, ça va. Tu te dis le progrès. La voltige, un gars qui monte sur son cheval puis qui se casse la gueule de l'autre côté. Voilà, bon, qu'essaye. Excellent. Ce meilleur film ever que j'ai jamais vu. La pêche aux poissons rouges. Vous avez une famille autour d'un gros bocal en verre avec des poissons dedans. Puis l'enfant plonge sa main comme s'il allait pêcher les poissons rouges. Voilà, un petit film. Et à côté de la diffusion du film, t'as un gars qui a vraiment un bocal et qui plonge sa main dans l'eau pour faire le bruit. Non, mais je suis sûr que ça existe. Ou qu'il le fait avec tout à fait autre chose. Bien sûr, parce que c'est ce qu'il faisait. Enfin, je pense pendant des diffusions, il mettait déjà une musique d'ambiance en règle générale qui collait avec ce qui passait. Genre, je sais pas. Alors, qui collait, c'est un bien grand mot, parce que je vais te dire que quand dans tout ce qu'on lit, on se dit, alors, dans l'idéal, on imagine ce cliché avec un pianiste pro qui sait exactement ce qu'il fait, mais en fait, dans la plupart des cas, il improvisait. Hein. Il fallait, par rapport à ce qu'il diffusait, il improvisait. Mais je vais vous dire d'autres choses parce que c'est bien plus complexe que ça. Je continue un petit peu avec les films parce qu'il y en a un qui est très connu, c'est l'arroseur arrosé. Vous avez quelqu'un avec son tuyau d'arrosage et il y en a un autre qui lui fait le coup de marcher sur le tuyau pour que ça coupe et il regarde dans le tuyau et forcément l'autre. Ils avaient de l'humour à l'époque aussi. Hein. Il se prend l'eau dans la gueule et puis en fait il va attraper le gars qui a fait le coup puis le fesser en public. Bon, voilà. Donc là, on leur a osé, c'est très connu. Vous avez repas de bébé, voilà, bébé qu'on fait manger devant la caméra. Succès mitigé. Donc, le vomi de bébé après, le renvoi de bébé. Donc plein de petites choses comme ça. Et puis on s'est essayé très très tôt aussi avec les premiers dessins animés. Alors on en avait parlé il y a je sais plus combien d'émissions là, cette saison. On avait parlé de. Je vous avais parlé d'une école en France qui travaille sur le dessin animé. Ça devait être pendant notre émission dessin animé. Et vous rappelez les dessins animés, donc de faire plein de planches papier, carton et qu'on fait défiler très très vite, hein, donc il faudrait se replonger là-dedans. Beaucoup de travail avant. Pour se replonger, on peut écouter le podcast. Voilà, et puis de filmer hein, tout ça, mais bon voilà, donc on s'est essayé à tout ça, mais voilà, pas plus de 5 minutes souvent de projection avec donc ces différents petits. Dans les films, les petits films, les premiers, il y avait, je crois, l'entrée du train en gare de la Ciotat. Oui, aussi. Où les spectateurs ont eu tellement peur qu'ils sont qu'ils sont couchés ou qu'ils bah oui, le train arrivait en face, ils croyaient que le c'était train c'était de la 4D. Ouais, c'était c'est ça. Par rapport, juste petit vocabulaire, les Anglais appellent ça les silent films, un film muet, film silencieux, vous voyez, bon, c'est vrai. Tout simplement. Ça fait un peu plus glauque quand même silent film. Donc beaucoup de pianistes, ça vous le savez. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir pour ajouter en fait le son qu'on n'avait pas. Donc faire de la musique, faire des bruitages. Il y avait des bruiteurs. Ou peut-être du théâtre même. Alors, vous aviez en fait ce qu'on appelait un bonimenteur, c'est quelqu'un qui annonçait ce qui se passait, qui commentait ce qui se passait. Oh putain, les commentaires du gars. Le commentaire. Oh, je sais pas comment il vivait ça. À l'époque, il devait le vivre bien, hein. Mais maintenant, je pense que tu mets un gars parler du film en disant « Et tu vois là, ils sont en train de monter dans la bagnole. » Ah oh, putain. Mais ferme-la. Mais quand c'était nouveau de dire voilà, ça a été filmé à la sortie de tel événement, etc. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est. On n'arrête pas le progrès. Mais c'était des documentaires. Ouais. Hein, finalement, fait découvrir ce que c'était. Bébé qui mange, oui. Alors après, moi, je me suis interrogé. Je me suis dit bon, ça, c'est les sons qu'on rajoute. Mais est-ce qu'il n'y a pas des bruits ? Et en fait, il faut savoir que on n'a pas diffusé tous les films dans des salles obscures ou isolées du reste du monde. Ça ressemblait pas à un cinéma. C'était pas forcément ça. Et alors, on diffusait dans certaines salles, mais en fait, la plupart des films ont été achetés par des forains. Et était diffusé donc au beau milieu d'une foire, c'est-à-dire qu'on avait un espèce de chapiteau au milieu de la foire, mais il y avait tous les bruits des manèges alentours qui se rajoutaient, vous voyez, à l'ambiance. Donc, mais ça faisait vraiment foire, mais c'était un événement. Oui, on allait voir ça quand on allait voir des animaux de foire. Quoi. Ça colle avec l'arroseur arrosé, du coup, un petit bruit c'est de foire. Ça, enfin, je trouve. Donc, moi, j'ai trouvé. Par contre, bébé qui mange avec les bruits de foire. C'est moins fou. J'ai trouvé ça assez intéressant qu'on disait que les forains achetaient les films et les utilisaient jusqu'à usure complète, quoi. Oui. Donc, oui, surtout que le support, il y avait une histoire de celluloïde, je sais plus. Le support était très très fragile, hein, ça a rien à voir avec. Des petits des bobines, des bobineaux, enfin bon oui, puis alors il fallait couvrir le bruit de cliquetis de l'appareil de projection, donc oui, il fallait faire des sons ou des bruits comme vous voulez, hein, se disant que son est moins péjoratif que bruit, mais c'était un mélange des deux et se rajoutait ce qu'il y avait à l'extérieur. Et puis le fait que les gens étaient en fait découvraient ça, étaient stupéfaits en fait, bah, parlaient aussi, soit ça devait être pour certains le silence, et pour d'autres ils discutaient, hein, en fait, ils exprimaient leur joie. Donc oui, ça devait être un joyeux bordel. Ça me rappelle une émission Disney, ça. C'était Elle est si vieille que ça, l'émission. Ouais. Peut-être. Hein. 1515. C'était quand bah, avant que j'arrive, donc au moins 3 ans. Minimum. Peut-être t'as connu ça. J'ai même pas connu, non. Autant dire que c'est vraiment avec de la poussière que vous pouvez peut-être. Je sais pas s'il y en a en podcast des Joyeux Bordel. En tout cas, au pire, appelez Théo au 09 70 407 306. Il se fera un plaisir de vous raconter ce qui s'est passé dans le Joyeux Bordel. Mais il doit y avoir des extraits quelque part. Peut-être plus l'appeler le lundi soir, alors quand même. Le lundi soir dans Starter, effectivement, c'est peut-être plus d'accord. Ouais. Enfin, quoique. Parce que Joyeux Bordel, Starter, ça colle pas ensemble. Starter, on parle de voiture, 21h-22h. Ouais. On s'en fout, on est en train de mettre une mine dans son émission. Oui, là. Voilà, il va pas s'en plaindre. Le mieux, je pense, c'est dans Actu Solide. Parce que l'actu solide, c'est aussi un joyeux bordel. Le mercredi de 21h à 23h, ouais, si c'est joyeux que, bordel. Hein. Que PK Avenger, c'est joyeux, mais c'est pas le bordel. Bah non, on est très organisé, on finit toujours à l'heure. Oui, toujours. Je reviens. Pourquoi tu t'étouffes, voyons. Je reviens par rapport aux fêtes foraines, là. J'ai un texte sous les yeux qui décrit en fait tous les bruits qui se mélangent. Les projections de vue voisines avec les orgues de foire et leurs groupes électrogènes. Les caches des fauves et les bonimenteurs haranguant les foules de badauds. Ça veut dire les gens aussi qui vont venir, les gens, venez voir tel, venez voir les fauves, venez voir les projections. Les rafleurs. Les groupes c'est électrogènes, bah, vous voyez un peu le bruit que ça peut faire. Les orgues de foire. Donc oui, on imagine la grosse foire, mais bon, ça faisait un joyeux bordel. Un joyeux bazar. Voilà, bon bah après voilà, vous cherchez sur le net, vous trouvez plein de choses. Je trouvais ça intéressant de sortir un petit peu de cette salle de ciné telle qu'on la voit. Ouais, voilà, vous allez voir ce qu'il y avait avant. Mais c'était loin d'être silencieux, on va dire ça comme ça. Et c'était vraiment une véritable fête. En soi, c'est un peu comme sur Indestar. Hein. C'est une véritable fête et c'est très loin d'être silencieux. D'ailleurs, on a rendu un hommage au cinéma muet avec le film dans lequel Jean Dujardin a joué il y a quelques années. Truc. The Artist. The Artist, voilà. Bah, je le disais en français. Ouais, t'étais pas loin. Ouais, c'est un chanteur de musique, ça, l'artiste. Ils peuvent chanter de la musique, les artistes. Non, il y en a un, il s'appelle vraiment l'artiste. Bon ah ouais? Ouais, je sais plus qui c'est, j'aime pas. Je sais pas, moi je connais Boyce Avenue comme artiste par exemple. Boyce, ah bah oui. Oui. C'est quoi ça? Easy on Me. C'est d'Adèle. C'est ouais, c'est d'Adèle, il me semble. Ah oui, je connais, c'est une chanteuse anglaise ou américaine, je sais plus. Oh, par là, un oui. Un peu les deux. Ouais. Ah, en tout cas, c'est sur Indestar toujours. Anglophone alors. Passe le niveau 2 sur Indestar le jeudi soir dès 21h. PK Avenger, level 2. You win. Alors ça tombe bien, avec Passe le level 2, je vais parler d'une... C'est une saga de films où il y en a 3. Donc... Ah c'est le level 3 après. Ouais c'est le level 3, donc Jurassic Park. Avec les cris dedans, les sons, les bruitages. Si tu survis, tu passes le niveau 3. Oui. Ouais c'est ça le truc, mais bon il y a quelques petites bestioles clair, qui sont en pas clair, très si sympas. Si t'es pas bouffé, tu passes au niveau 3. T'es pas le principal. Alors pas forcément bouffé, mais qu'il y a des dinos comme par exemple un qui dans les films, bon... Ça va être réducteur pour lui, le pauvre, mais qui est souvent comparé au cheval. Il a des cornes. Est-ce qu'on peut il dire est cocu que c'est. Alors j'allais dire, est-ce qu'on peut dire que c'est une licorne? Ah. Il en a peut-être 3. Oh. Oui, il en a 3. Il en a 3, c'est un cheval de 3. Bah c'est un tricorne. C'est un tricorne. Oui, c'est un la... cheval de 3. Après tricorne. La Triforce, et toi, on a le tricorne. Donc... C'est un taurosaurus. Mais donc, oui, c'est l'adulte. J'avais trop envie de le dire. Triceratops, c'est le petit. Oui. Sauf que forcément, abus de langage, à force, c'était Triceratops. Dis donc, ça me rappelle une émission où il y avait plein de dinos sur les écrans, sur les micros. C'est tout ça. Et on avait dit, le Triceratops, ça n'existe pas. Parce que, enfin si, ça existe, mais ça n'existe pas vraiment. C'est un bébé dino, c'est comme si tu dis un chiot, c'est un animal. Ah oui, c'est un bébé. Vous avez posé une question con encore cette fois là. Bah, comme d'hab. J'adore. Comme toujours. Donc, le Triceratops, pour présenter un peu rapidement le dinosaure quand même, c'est quand même important. Il a vécu au Crétacé. Donc d'accord. La dernière époque avant... Avant Jésus-Christ. Non, c'est pas ça. Non, avant l'extinction des dinosaures. À l'époque des crétins, les Crétacés. Alors là, il y a une belle branche les de crétins aussi. Lapins crétacés. Les lapins crétacés. C'est assez. Dis la baleine. Oui. J'ai le dauphin car je me cache à l'eau. Ouais. C'est ça. Ouais. Pour tout reprendre. Mais donc, j'aime beaucoup le lapin crétacé. Alors ça, oui. ça donc, c'est noté, le Triceratops a vécu au Crétacé. Donc, il avait une tête assez imposante avec deux cornes au-dessus de chaque œil. et une troisième au-dessus du nez. Oui, Thierry, vas-y. Non, je te regarde. Oui, c'est pour ça, j'attends les vannes. J'attends de voir les cornes. Oh, peut-être les cornes de diable à force, mais c'est tout. Non, il y avait une espèce aussi de bouclier qui protégeait un peu le cou. Oui, sa collerette. Ouais, une collerette. Je crois que c'était appelé la collerette. Ouais. Donc, voilà, donc un peu le dinosaure qui est représenté un peu lourd, un peu ballot, un peu tout. Mais tu vois, le herbivore, mais pas sans défense, tu vois. Voilà, c'est... Dans ses adversaires, on va dire, il y avait notamment le redoutable T-Rex. On peut dire redoutable, mais bon... Bon, oh, il y a des... je pense qu'il se faisait souvent bouffer. Hein. Ouais. Mais bon. Bon, après, bon, il y a des choses qui ont été montrées. Bon, voilà, mais oui, on va revenir au cri. Donc, de toute façon, les herbivores, quand ils ont faim, ils ont les crocs. Hein. Ah, ça, oui. Ils ont les mollets. Hein. Et donc, il y a un animal qui fait ce cri, le cri du tricératops, c'est la vache. Quoi? Oui, la vache. Attends, attends. Ça, là, ça, c'est une vache? Alors, attends, vu que je vais pas finir. Il y a la vache. Il y a la vache. Qu'on entend une vache. Et il y a autre chose. Alors, la vache est le prisonnier. Malheureusement, j'ai pas pu trouver toutes les infos. C'est un tube en carton également qui a été aidé. Qui a aidé. Mais j'ai pas pu tout trouver. Alors qu'à mon avis, c'était le plus intéressant. C'est une vache en carton. Alors, une vache avec un tube en carton, oui. Pourquoi pas, ouais. Ouais, un carton secret, ouais. Un carton qui fait résonance dans le mot de la vache. Il y en a qui ont des bottes secrètes. C'est le carton de la brique de lait. Oui, mais c'est ça. C'est vrai que ça peut, oui. Donc, frotter contre le pi. Ouais. Donc, oh la vache. Pourquoi j'ai pris le triceratops? Tant pis. Tout simplement parce qu'après, on va parler de trois dinosaures carnivores. Donc, je me suis dit, pour faire ça bien, faut quand même un herbivore au moins. Bah, faut qu'il y en ait un qui se fasse bouffer. Voilà. Souvent dans Jurassic Park, c'est souvent des. Enfin, les. Des carnivores qui posent problème. Mais, voilà. Mais on est quatre, c'est qui est vegan parmi vous? Alors je... Le je plus ne sais vegan, pas. Je dirais que c'est moi. Mais je pense. J'ai un doute. Même si j'ai mangé du jambon fumé avant de venir. T'es vegan qui mange beaucoup de brioche, comme. Ah. Oui. Ouais. Et puis tant que c'est le jambon qui était fumé, et pas toi. C'est vrai. Non, mais j'avais pas le choix de le manger, il m'appelait. Ah. Tu faisais. Teddy, viens. Je suis le jambon. Mangez-moi. Donc, là, allez, au rythme cette musique. Ouais, on va parler d'un. J'essaye de faire des bruitages. Putain, c'est quand ça, ASMR. Je me gratte le jambon. Je me gratte le jambon. Donc, on va parler d'un autre dinosaure, donc le vélociraptor là. Alors lui, il doit faire un cri assez aigu. Qui c'est qui l'étrangle? Bah, il s'étouffe. Il a une boule de. Une boule de poils, quoi. Donc, le vélociraptor. Je fais bien le vélociraptor. Ouais, il y a plusieurs animaux qui sont faits. Donc, il y a l'oie. Le cheval. Non, quoique c'est cohérent, l'oie. Ouais, il y a un cheval qui est pris aussi. Mais il y en a d'autres. Alors. Attends. Non, vu que bon, il n'y a pas forcément tout. Il y a plusieurs langages pour le vélociraptor. Là, notamment, là, on avait l'oie. Le jeu de l'oie. Le jeu de l'oie. On dirait Chewbacca vers la fin. Au début, c'est comme une voiture qui peine à démarrer, là, les voitures à manivelle. Ouais. Et donc, le vélociraptor, il y a d'autres animaux qui font. Par exemple, quand il se crie dessus, alors c'est un peu dérangeant, vu que c'était tortue en plein rapport. Ils ont pris des tortues qui étaient en train de faire l'amour pour faire le vélociraptor qui gueulait sur les autres. Alors. Ça c'est, franchement. Oui. Le son d'une tortue qui copule. Ninja, ninja, ninja. Et ben non, ils disent pas pizza non plus. Non. Mais franchement, c'est un truc à aller voir sur YouTube si vous vous faites chier un jour et que vous avez une scroll des trucs. Le bruit d'une tortue qui copule, je vous assure que ça vaut le coup d'œil. Oui. C'est impressionnant comment un truc qui fait pas de bruit dans nos imaginaires fait du bruit quand ça copule. Et même pour reprendre, le vélociraptor a même un autre animal, donc c'est pour ça que les réalisateurs l'ont appelé le langage de l'amour. Ils peuvent avoir également des dauphins en chaleur dedans. Dans le vélociraptor ou... Mélangé dans le tortue. Vélociraptor, oui. Ouais. Dans les cris. Waouh. Non mais c'est vrai partout ton histoire là. C'est vrai. Bah dans un seul vélociraptor le pauvre. Ça fait mal. Mais il y en a ils font ça dans les vélodromes, ouais. Hein, bah dans le vélociraptor. Ouais. C'est ça. Donc le vélociraptor donc évidemment présenté aussi un peu vite fait. Donc c'était un carnivore vivant à la fin du Crétacé aussi. De toute façon c'est quasiment que des espèces vivant au Crétacé que j'ai pris presque. D'accord. Presque parce qu'il y a le Spino je dirais qui est pas la même. Ouais qui était un poil avant qui était entre les deux périodes. Ouais je sais. Donc, je sais. Oui, merci Teddy. Merci. Donc, mais ils vivaient dans ce qui est actuellement la Mongolie, en d'accord. Zone. Ouais. Des plaines, quoi, principalement. C'est ça. Et on a retrouvé maintenant, c'était également, on suppose, par rapport à tout, c'était un des dinosaures les plus intelligents qui pouvait être fait. Donc, alors, dans Jurassic Park, on a des exemples de son intelligence en plus. C'est pas là qu'il peut ouvrir des portes. Alors, si, il y a ça, mais j'ai pris autre chose, vu que par exemple, dans... bah, on va dire que c'était un opportuniste. Parce d'ailleurs, ça, Daniel, ça me rappelle un catcheur que t'aimes bien. Ah, un opportuniste, ah, qui était soit méchant, soit gentil. Mais lui, il n'y a pas de corne, hein, ni de... Voilà. Ni de dents. Bah, si, il a des dents, Edge, quand même. Ouais, ouais. Il n'est pas encore assez vieux pour en avoir. Ouais. Même vieux, maintenant, on t'embête. Ouais, mais ouais. C'est pas des, ouais, c'est pas Edge, des oui. canines. Non, c'est pas la même. Ouais. Donc, le raptor, hein, bah, Vélociraptor, plutôt, vu que bon. Raptor, c'est autre chose, c'est la famille. C'est une famille, ouais. Il y a plein de raptors, il y a micro-raptors. Il y a voilà. pas une voiture qui s'appelle le raptor. Si. C'est... Je dirais plutôt un quad. C'est pas un 4x4 ? Bah, un véhicule motorisé. Le Ford Raptor. Voilà, un véhicule motorisé, voilà, comme ça, ça satisfera tout le monde. Il y a beaucoup de quads qui s'appellent les Raptors, ouais. Je ne sais quoi. Ce sont des tortues. Des tortues qui copient. Ah, parce que Thierry, il était. Franchement, Thierry, il était plus avec nous là. Il a pensé tortue qui copule. Quoi ? Je m'instruis. Ouais, c'est ouais. ça. Il était mais franchement, il ouais, y a certains sons de tortues qui copulent. C'est énorme. Enfin, ça me rappelle ça. Presque déjà, quelqu'un. Déjà qu'il nous fait le bébert, et maintenant il nous fera la tortue. Une tortue qui copule, ça peut donner ça. Vraiment. Maëva, elle en pense quoi ? Maëva, c'est pas du tortue. Donc, pour en revenir au Vélociraptor qui était assez intelligent, donc. Il peut ouvrir des portes. L'un des. Alors, non, je vais prendre par exemple un des premiers accidents mortels qui a été répertorié avec le Vélociraptor. Bah, il y a un ouvrier qui a été dans ce qu'ils ont appelé un peu les cages où il y avait les Vélociraptors, tout ça, pour ouais, faire des réparations. Ouais. Et bah, il y en a un qui a repéré le mécanisme derrière la cage. Pour la casser carrément, pour après aller lâcher un croc pour l'ouvrier. Après, oui, si. Oui, si, mais si. Va demander ça à un T-Rex ou un Triceratops. Ils vont pas te le faire. Non, c'est vrai, mais bon, le T-Rex il va peut-être. Il défonce... ouais, ouais, ouais, voilà, les deux vont peut-être défoncer la cage, mais disons que lui a eu l'intelligence de dire il y a peut-être un truc, donc on va aller voir pour casser et après aller récupérer. C'est vrai qu'il est réputé assez intelligent. Oui. Je sais plus si c'est grâce à la taille de son cerveau par rapport à son poids, parce que bon, le T-Rex c'est forcément plus gros, mais plus con aussi. Hein. Ouais. C'est con, hein. C'est. Ouais. Et donc, pour moi en tout cas, je trouve que c'est le deuxième dinosaure le plus emblématique de la saga derrière le T-Rex évidemment. Du coup, le T-Rex a quand même un impact. Oh bah, il a pas... non seulement un impact, ouais, je pense, mais il a un cri aussi qui est reconnaissable entre tous. C'est Godzilla le bordel. Ah ouais, non. Mais... le cri du T-Rex. Donc lui aussi a vécu à la fin du Crétacé, donc en Amérique du Nord. C'est le dino le plus populaire, donc le dinosaure le plus populaire. Connu, ouais. Voilà, ça a été, si je me trompe pas, ça a été même le premier découvert en squelette complet, je parle. Ah, peut-être. C'est entre autres pour ça que bon, il y a cette popularité qui est faite. Et donc, son cri à lui a été fabriqué à partir de 4 animaux. Je vais commencer par le. Oui, t'as dit, tu as des idées, non ? Non. Non ? Le Kevinosaur. Alors non, celui-là, c'est une espèce en voie de disparition, il n'y en a plus qu'un seul qui est sur Indestar. Ah oui, mais il s'accroche. Hein. Ouais, c'est compliqué hein, de s'en débarrasser. Il donc... a déjà résisté à une ouais. chute de météorite, alors hein, donc, il peut résister donc, à tout. Hein. Dans ces animaux, on peut retrouver la baleine. Et c'est vrai que ça m'a surpris, mais la baleine, quand elle expire l'air, au tout début, il y est, notamment. C'est... Oui, c'est pas vraiment un cri à proprement non, parler. Non, mais c'est un bruit. Voilà, un bruit. Voilà, ils sont inspirés du corps vocal. Non, il y a le crocodile qu'on a dedans également. C'est plus un rugissement, ça. Je sais pas comment appeler ça. C'est bizarre le cri du crocodile. Mais... Oui. Il y a le lion, évidemment. Okay. Et le dernier, c'est un bébé éléphant. Le daim. Non, c'est un bébé éléphant qu'ils ont pris. Dumbo, oui. Faire un petit barrissement aigu. C'est ça. Je vole. Donc, ça, il s'entend un peu quand même. Dans ouais. L'éléphant et le lion sont tout de suite entendus pour moi. Prédominant, ouais. Ouais. La baleine, je pense que c'est. C'est, bah, c'est pour au le début. Fond pour faire. Tu sais, c'est quand il expire du nez oui. et tout ça, et là, on l'entend beaucoup. Ouais, juste ouais. avant. Donc, c'est la mascotte des films 1 et 2, même si dans le 3 il apparaît, mais il se fait dépasser par un autre dinosaure qu'on verra bien un peu plus tard. Bien plus gros le. Oui, roi. Oui, voilà. Ouh, Speedy Gonzales, ce dinosaure. Ah, ouais. C'est pas Speedy, mais c'est Spino. Alors, j'ai trouvé une anecdote, vu que. Y a... Dans Jurassic Park, ils ont pas fait beaucoup de références à d'autres films. quand même, il n'y en a pas... Pas besoin. Non. Quand t'es iconique. Mais j'en ai trouvé. C'est dans une voiture, lors d'une scène à San Diego où le T-Rex apparaît, bah sur la route, t'as une voiture où t'as deux Japonais. Et dedans, t'en as un qui dit « C'est pas vrai, j'avais justement quitté le Japon à cause de ça. » Alors là, je pense qu'on peut faire un gros coucou à Godzilla, vu que là, la référence est très forte quand même. Mais oui, référence au Gaiju Godzilla. Voilà. Et en plus, bon, deux Japonais qui de la font, c'est... La référence, elle est quand même ultra forte. C'est oui, là, c'était vraiment un clin d'œil, quoi, clairement. Ouais. Donc, le T-Rex a un cri souvent annonceur de catastrophe dans les deux premiers films. C'est vrai que quand tu croises un T-Rex, souvent... Voilà, c'est... que ce soit à San Diego ou même... Dès que les héros l'entendent, ils savent qu'il va y avoir un problème. Un mort. Ils savent qu'ils sont morts, oui. Alors, pas forcément morts, mais on sait qu'il va y avoir quelque chose d'important. Course poursuite. C'est ça. Toujours course voilà. poursuite. On va simplifier. Il sera mort de fatigue à la fin de la course poursuite. C'est ça. Et le comble, c'est qu'en plus, ça courait pas très vite en vrai, un T-Rex. Hein. Bah, tant mieux, je cours pas vite, moi. Non, non moi non plus. Intelligent et j'ai toujours cette image d'un T-Rex en train d'essayer de se branler. Si vous voyez vraiment l'anatomie d'un T-Rex, je peux vous assurer que cette image est magnifique. J'avoue que... Parce que les T-Rex, c'est vraiment des manchots, quoi. Ouais. En termes de bras, c'est... Tout est bien sur le T-Rex, sauf les bras. Pas de bras, pas de chocolat. Il en c'est a ça. Non, mais c'est même pas qu'il n'en a pas. Mais... C'est qu'il en a, mais des... Le pire, des bouts de trucs qui servent à rien. C'est qu'on dit des petits bras, mais c'est si on compare à sa taille. Alors, bien sûr. Si on compare à côté alors. À nous. Oui, ça se trouve c'est un grand bras pour nous. Mais et ça se trouve c'est le bras de Daniel. Alors, mais sur un T-Rex ça donne nul. Ça vaut rien. Alors, je me rappelle de plus d'honneur. Des tailles que j'avais vues, donc je les nommerai pas, je les donnerai pas. Mais si je me rappelle bien, c'était une taille bon pas grande, mais pas petite non plus. Oui, mais pour le T-Rex, c'est nul. Voilà, c'est quand tu vois sa taille, tu t'attends à des bras qui font oui. limite 3 ou 4 mètres. Quoi, c'est en pas abusant. Comme le Thérizinosaure. Oui. Il est Edouard petit, Romain hein. d'Argent, on peut l'appeler Oui. Ouais, tu m'as appelé le Thérizinosaure. Le Thérizinosaure, il a des griffes et des bras. Enfin, les bras, ils sont pas si longs que ça, mais les griffes, en tout cas. Les griffes sont hyper longues. Je peux te dire qu'il te fout un coup dans la gueule, il te découpe en saucisson plus vite que tu le crois. Hein. T'es prêt à être bouffé à l'apéro alors c'est ouais. ça. C'est des faux ongles, c'est de la manucure. Et le pire, c'est qu'il était, omnivore. Donc, oui. Donc il mangeait, c'est il mangeait des hommes alors s'il mangeait omnivore. Bah, s'il en croisait, j'imagine que oui, mais voilà. Bah après, à l'époque, croiser juste des pas hommes, faire c'était chier, peut-être quoi. Dur quoi. Il en croisait beaucoup moins, je pense. Je ouais. sais pas s'il a vécu en même c'était temps pas à tous les coins de hommes, mais bon. Sur les passages piétons. Donc, pour le dernier dinosaure, alors. Attends, vu que tiens, on va annoncer un petit peu quand même. C'est un dinosaure qui est extrêmement dangereux, forcément. 20 tonnes. Alors, oui, c'est ça. 20 tonnes. Donc, il est considéré par beaucoup, donc moi c'est le cas notamment, comme le plus grand prédateur terrestre à avoir existé, que la Terre ait porté. C'est même sûr, parce qu'il n'y en a pas plus gros, donc. Voilà. Bon, après, bon, hein. avec les mers, avec, entre les mosasaures, tout ça. C'est un autre débat. Oui, mais c'est des poiscailles. Voilà, c'est on peut pas comparer l'incomparable. Comme oui. Donc, ce dinosaure, c'est le spinosaure, évidemment. C'est un monstre. C'est un monstre. C'est un monstre. Oh l'odeur! Oh l'odeur! On a l'impression qu'il va gerber. Dans le cric, c'est un peu. Comment dire? Ah, quand il dégueule. Hein. C'est pas aussi aigu que le T-Rex, mais on a l'impression que c'est un peu au-dessus. Tu vois, ouais. Alors, dedans, il y a le lion. Ouais. Il y a du croco, je pense, non? L'alligator. Ouais. C'était pas loin. C'est sûr. Il y a un bébé ours aussi. Il y a du Lacoste. Un bébé ours? Oui. Ah, c'est oui. pour le Oui, ils se sont dit, oh, un bébé ours. Il oh, vas-y, un peu on de met. Ouais. Bah, de toute façon, vu les bruits de bébé qu'on a eu tout à l'heure, alors, on le dernier, un bébé maintenant. Ouais. Le dernier, c'est un oiseau, mais j'ai pas pu trouver lequel. Par contre, la pigrièche. Alors, non, c'est les seules infos que j'ai trouvées, c'est que c'était un gros oiseau. Ah, un pélican. Un petit pélican. Un albatros, c'est des, une envergure extraordinaire. Énorme, énorme. Ça change d'albator. C'est ça. Donc, le spinosaure était donc un grand prédateur qui a vécu il y a environ 110 millions d'années. Un poil avant, donc. Kevin, c'est vieux. Oui. Oui, ça, oui, oui, ça c'est ça, vieux, c'est vieux oui, ça. C'est vrai. Donc, pour expliquer un peu ce qu'est un spinosaure, donc c'est un dinosaure sur deux jambes, avec une tête évidemment, vu que Daniel. Bon, c'est plus compliqué. Sauf que lui, il avait comme. Il est sur quatre pattes par contre. Alors, Daniel a quatre il pouvait être sur, ah non, deux, non, sur quatre, moi, il pouvait être. Mais c'est, enfin, principalement, il se déplaçait sur ouais. quatre. Par contre, il pouvait aussi marcher il pouvait sur deux. Se et sur... Se ah non, alors c'est pas moi. C'est ça. Et oui, c'était peut-être impressionnant dans le sens où c'est 20 tonnes comparé à un T-Rex, c'est la moitié ça du poids de T-Rex. Ça faisait bouger le sol. Remarque, un ours aussi, hein, ça se déplace à quatre pattes et ça peut... Ouais, ouais. Ah, ah, bah ouais. Ah. Mais c'est plus à l'aise à quatre pattes. Hein. Ouais. Est-ce que vous savez le surnom que lui a donné donc William H.V. Macy, qui est le réalisateur donc, de Jurassic Park? Nom de petit lapin? Perdu. Andy. Spinny. Spino. Spinny. Je voulais pas dire Spinny en plus, tu non. me l'as dit tout à l'heure. Il l'appelait Spinny. Spinny. Spinny Gonzalez. Ah, oh, c'est non. trop mignon. Spinny seulement. Ah. Spinosaur. Donc ça fait mignon. Ouais. Ouais. Ah. Bah quand tu vois, tu le regardes de bas, il te bouffe. Ouais, c'est ça. Quand tu vois la tête, on va faire un petit tour. C'est ça. Quand tu vois la tête, c'est un peu moins mignon, par contre, d'un coup. Tu lui donnes un amuse-gueule, c'est un cheval. C'est ça. Alors lui, c'est comme le T-Rex. Redzel géant. Quand on entend son rugissement, donc, il va y avoir quelque chose d'important qui va se produire. Comme par exemple, la première fois qu'on l'entend, il y a un crash d'avion qui vient après. Ou après, même on peut le dire, vu que bon, c'est sorti depuis longtemps, il y a un petit combat entre le T-Rex et le spinosaure dans le 3. Je parie qu'il gagne. Ah bah le T-Rex il a pas fait long feu hein. C'est, on va dire il lui a mis un croc, mais il s'est débarrassé, il a pris les mains et clac, voilà. Il l'a tué. Quoi, le T-Rex a utilisé ses mains? Mais... Bah oui, tu m'étonnes qu'il est perdu. Non, c'est le spinosaure qui a utilisé. Ouais, donc ouais. Le T-Rex il utilise seulement ses dents. Juste lui ça, tu vois, la il a des vrais bras, le oui. spinosaure selon dix bras. En même temps, il pouvait attraper les poissons avec aussi. Ouais, il pouvait faire des choses. Hein, et lui, pareil, il mangeait. Il avait des vrais bras normaux. Voilà. Il avait des bras normaux. Il mangeait des sushis. C'est ça. Des bons, t'es dit, des bons. Des sushis T-Rex. Ouais. Et donc, à ce jour, j'ai réussi à trouver une info. Donc, c'était un animatronique. Un animatronique. Ouais. Donc, en gros, une. Enfin, celui-là, pas le vrai. Hein, non, le spinosaure de Jurassic voilà, Park 3. Voilà, oui. Faut donc, préciser. Hein. C'est l'animatronique le plus imposant jamais créé. Il faisait plus de 13 mètres de long et en poids, il était à plus de 12 tonnes. Et il était presque réaliste. Hein. Ouais, presque, hein. Il y a des spinos qui faisaient cette taille-là et ce poids-là. Peut-être pas à taille adulte totalement, mais non. Ça s'est vu. Mais ils ont essayé d'être un peu réalistes quand même. Parce que 20 tonnes, c'est les plus gros spécimens. Hein, oui. Donc forcément. Très sympa d'ailleurs de voir les musées d'histoire naturelle. C'est celui qui est à côté de la gare d'Austerlitz qui a les dinos, je crois, à Paris. Vous n'êtes pas allé voir une fois j'avais le temps. Où, est-ce que c'est sérieux, c'est Montparnasse, mais c'est le musée d'histoire naturelle. Il y a un musée à côté d'une grande gare parisienne. Quand j'avais le temps, une fois, une amie m'a dit tiens, on va voir, et il y avait des gros squelettes de dinos là-dedans. Alors, sais pas du tout pour ça. Par contre, je sais une chose, je sais qu'il y a un cirque. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de cirques qui avaient des animaux à l'époque, oui. Qui n'ont plus d'animaux maintenant, parce qu'effectivement, c'est pas bien d'avoir des animaux dans des cages et tout ça. Il s'est reconverti, le cirque, en, je sais pas, spectacle de dinos, on peut dire. Ouais. Et en fait, ils ont des animatroniques géants de dinos. D'accord. Et ça tourne dans la France, tout ça. Donc, je sais plus le nom du cirque, ça serait bien que je le retrouve un jour, hein, mais... Ah. Oui, il y a des spectacles d'animatroniques, de dinosaures. Et c'est sympa, c'est accessible partout, ils peuvent venir dans votre ville, voilà. Alors, ou pas loin, en tout cas, parce que sinon, il faut aller à Paris. Oui. Alors, c'est j'imagine chiant. La scène, moi, tu te réveilles, et d'un coup, tu vois un T-Rex ou un spinosaure qui est pas loin. Sur ta fenêtre, oui. Ouais, alors, tu dois sacrément sursauter, quand même. Ouais. Tu dois te dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est modèle géant, mais modèle réduit, quand même. Parce que là, comme tu l'as dit, le spino, 13 mètres de long, enfin... Ouais, pour l'animatronique. C'est grand, mais ça reste. Voilà. C'est moyen. Mine de rien. Oh, il va faire ça. Mine de rien. Quand tu vois. C'était quand même comment dire, un miracle à l'époque. Je vais dire un miracle, mais bon, c'est pas le mot que je voulais. Une performance. Voilà, une avec performance. Un peu de chance, c'est peut-être le plus gros animatronique qu'on ait déjà créé. Hein, oui, c'est le plus imposant jamais créé. Voilà. Et même maintenant, bon, quand on voit les technologies actuelles. Bah, il n'y en a pas qu'on voulu. Bah non, bon, c'est pas logique. Sans problème, mais c'est juste que c'est pas logique, d'intérêt. On peut faire mieux en plus. Oui. Ou alors, comme dans les Power Rangers, tu vois, ils font des villes miniatures et tu mets des géants dedans. C'est ça. Et voilà, t'es grand. Pourquoi pas, oui. Ils font des villes en Playmobil ou en Lego. C'est vrai. Ouais. Mais donc, voilà un peu pour ce petit cri. Je trouve, personnellement, c'est les 4 dinosaures les plus emblématiques pour moi. J'ai rajouté le spinosaure, vu que bon, en vrai, pour. Il y a les trois avec le Triceratops, le Vélociraptor et le T-Rex. Le spinosaure, je trouve qu'il a son importance, vu que bon, quand même, ça montre qu'à l'époque, ils ont voulu essayer autre chose à la place du T-Rex en se disant on va ils peut-être ont voulu pas mettre essouffler. Le plus grand, le plus. Costaud. Ou même, tu sais, quand t'as deux films où t'as le même méchant, peut-être se dire on va essayer de changer, quoi, pour le troisième. Non, mais ils ont mis le plus iconique, le T-Rex, et après ils ont mis le vrai méchant. C'est ça. Voilà le spino. Mais comment le T-Rex, donc son nom, donc c'est Tyrannosaurus Rex, donc roi des lézards, ouais. Qu'on peut traduire. Mais à savoir, il y avait d'autres. carnivores beaucoup plus imposants, notamment les Spinoza. Clairement, pour un c'est spino, ça. Bon. Moi, je les imagine tous autour d'une table en pleine conversation. J'ai rien compris, mais ils ont faim. Ouais. Si tu veux cette image, elle est possible dans un jeu vidéo qui s'appelle Ark. C'est un jeu vidéo avec des dinos et tu peux forcément, enfin, tu peux dire à tes dinos, toi, tu bouges pas, et tu vas rire, mais moi, je peux les apprivoiser, les dinos sauvages. Faut des techniques, tout ça. Et en fait, je m'amusais à les mettre tous en ligne. Par taille, par catégorie, par ce que tu voulais. Et c'est vrai que tu peux les mettre autour d'une table, en fait. Et d'un moment donné, ils vont soit pondre une crotte, et ils vont faire un cri quand ils pondent une crotte. C'est comme ça que je repère, justement, les crottes. Parce que je ramassais les crottes. Les crottes de dinos, ça vaut quelque chose dans Ark, hein, parce que tu peux les utiliser comme engrais pour ton jardin. Donc du coup, t'entends, tiens, il crie, hop, j'y vais. Tiens, lui, c'est le bronto, allez, hop, j'y vais. Là, ah, un T-Rex, allez hop, je vais ramasser avec crotte. En plus, c'est un gros excrément le T-Rex. Donc j'y vais et je mettais ça, après j'allais faire mon jardin. Voilà, vous êtes contents, hein. Ça va, bah, ça va. Moi, je pense qu'après ces beaux conseils, on peut écouter Peur Bleue. Oui, effectivement, ah bah ça sera peut-être bleu, mieux. Ouais. Ouais, bah remarque, Peur Bleue, pour en parlant de dinosaures. C'est de pas crotte. De la merde. Ouais. Oui, c'est ça. Mais les fleurs bleues peuvent pousser sur les crottes de dinos. Ouais, bah en tout cas, c'est garde du cœur quand même. Oui. Oh, c'est mignon. Il faut. PK Avenger, c'est comme. Dans H. C'est marqué quoi dehors? Salle d'attente. Eh ben voilà! Y'a pas marqué salle où tu caches ta race! Mais en différent. Ah, ce soir, oui, sur Indestar, c'est bruitage, son. Donc, on a eu les cris de dino, on a eu le cinéma muet, on a eu Frères des Sources aussi, vu que Teddy a fait un sujet pour une fois. Mais. Oh, c'est quoi ce reproche? Alors, non, c'était... c'est vrai, il balance. Alors, c'était un taquet déguisé quand même. Ah, ouais, clairement. Donc. Mais il y a autre chose aussi qui peut rentrer là-dedans. Il y a la voix de Daniel qui est en doublage. Je vais me doubler. J'allais dire le doublage. Non, mais je vais me doubler moi-même. Alors vas-y, je veux une démonstration. Tant que tu te dédoubles pas. Ouais. Bah, un seul Daniel, c'est déjà bien assez. Hein. Je suis Daniel, voilà, vous avez reconnu, je me double. Certes. Ouais. Aïe aïe aïe. À la radio, c'est compliqué de faire des doublages audio parce que bah t'as pas l'image. Ouais, mais surtout quand tu te doubles toi-même, c'est une performance, faut faire la même voix. Hein. Alors, faudrait quelqu'un qui chuchote en anglais et que toi tu doubles en Kevin français. Chuchote en anglais. Alors non, je pense aux oreilles de tout le monde. Justement, anglais français, c'est très bien parce que je vais vous parler de deux doubleurs. D'accord. Le premier, on va dire le premier maître en la matière qui était américain, donc de langue anglaise, oui. Qui s'appelait Mel Blanc. Et le deuxième en langue française, qui s'appelait Roger Carrel. D'accord. Et là, tu commences par qui, là? Par Mel Blanc, chronologiquement, d'accord. C'est Mel Blanc. Il est né en 1908 à San Francisco. Il est mort en 89 à Los Angeles. Ah, il a pas trop changé, Californie. Non, il est pas très loin. Et il était surnommé l'homme aux mille voix. Parce qu'il savait faire mille voix? Apparemment, oui. D'accord. Mais enfin, tu sais, hein, c'est comme les pêcheurs de sardines. Ouais, c'est des 999. Voilà, il y en a une qui a bouché le port de Marseille. Voilà. T'imagines, l'homme aux mille voix, il t'en a fait 999. Ouais, franchement, ouais. Ce serait quand même la loose. C'est comme l'histoire de... Non, je la raconterai une fois parce qu'elle est trop longue, celle-là. Oui. Ouais. Il y avait un boutage dedans, mais tant pis. D'accord. Voilà. Alors, il était spécialisé dans les doublages de voix. Il a fait toutes les voix originales, je dis bien originales, donc des dessins animés de Tex Avery, de la Warner. Il a aussi participé pour les dessins animés de Hanna-Barbera. Il a fait entre autres aussi la voix de Barney LaRoche dans Les Pirates à Feu. Ah, c'est Barney Rumble, en fait, c'est Barney Rumble. D'accord. Petite anecdote moi qui m'amuse beaucoup sur Mel Blanc. Ah, c'était très rigolo. Ouais ouais, non mais c'est, je vous l'avais dit, ça m'amuse et j'allais vous le dire, ça va vous amuser aussi, hein. C'est son nom d'origine, c'est Blank avec un K, pas un C. D'accord. Qui signifie donc vide en anglais. Ouais. Et il y a un jour un prof qui a dit il a changé son nom ce jour-là parce que l'enseignant il a dit: tu voudras jamais rien comme ton nom, tu seras toujours un nul, tu seras vide. Ouh, la violence. Voilà. Ouais, c'est pas ouf quand même. C'est pas beau de tacler sur les prénoms. Voilà, bien souvent, des nuls comme ça, ils ont réussi dans une voie où on ne les attendait pas. Oui. Il a quitté l'école pour les États-Unis à l'époque, donc c'est dans les années 20. À l'équivalent de la 3e, et il est devenu à 17 ans, c'est une anecdote, le plus jeune chef d'orchestre du pays. D'accord. Il a commencé sa carrière en radio. Mmh. Bah, de toute façon, à l'époque. Ouais. C'est ça. Oui, oui. Mmh. Voilà. Voilà. Il a commencé comme un fanfaron. C'est ça. Et après, il est devenu chef d'orchestre. Un fanfaron, oui. C'était. Il n'a pas fait que des voix de personnages. Il a fait aussi des bruits de moteur de voiture, d'instruments de musique. Il a même fait un poisson rouge. Hein. Il l'a mis au défi de faire un poisson rouge à la radio. Blop. Non, sauf qu'il a approché ses lèvres du micro, il a bougé les lèvres. Puis on lui a dit, bah, on n'entend rien. Il a dit, c'est normal, on entend pas le poisson rouge. Mais il a fait quand même le mouvement. On le fait bien aussi, le poisson rouge avec Teddy. Ouais. Le poisson rouge dans un film muet. Ouais, c'est le poisson rouge dans un film muet, c'est compliqué. Le poisson rouge muet comme une carpe. Il a même eu son émission télévisée pendant 2 ans. Ah ouais, 46-47. Oh. Voilà. Tu as le nom, par exemple. Et il n'y avait pas de son pendant 2 ans. Oui, il n'y avait pas de son pendant 2 ans. C'était tout simplement le Mel Blanc Show. D'accord. Ah. Et il a aussi son étoile sur Hollywood Boulevard, le Walk of Fame. Mm. Je vous donne même le numéro 6385 Hollywood Boulevard. Donc. D'accord. Ce n'est pas un numéro de téléphone, ne composez pas. Non. Ne nous appelez pas. Surtout à ce numéro-là, on ne répondra pas. Quand il faisait. Parce que donc il a fait Bugs Bunny. Ouais. Et Bugs Bunny mange des carottes. Quoi de neuf, docteur? Ouais. You know what? Je vois qu'on a les mêmes trucs, hein, quand même. What's up, doc? Est-ce que je peux mettre la première son? Oui, parce que. Avec... Ah non, bah, non, ça. On fait pas un jeu avec les. Bien sûr que si, tu veux que je distribue les ardoises? Non, ça va. Ça va pas aller. Non, il est perdu. Non, mais on avait parlé de faire un jeu à la fin avec. Ouais, mais avec un seul. Ouais. T'as des sons et on pensait les deviner de qui c'est? Bah, on peut le. C'était pas ça que t'avais en tête? Daniel est perdu dans son oui. Non, mais là, oui, ça. Oui, non. Non, oui. Si, on peut le faire. Peut-être. On peut deviner. On peut. Bah, oui, on va passer des sons au fur et à mesure, comme ça, après tout. Oh, ouais. Ouais. Ouais. Oui. Ouais, ouais. Ça marche. Ouais. Oui, sûr. Ça marche. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Kevin. C'est votre dernière bafouille. Alors. C'est ça. Non, ce qui est marrant, c'est qu'on a peut-être pas tous des crayons. Oui. T'as des crayons? J'en ai un là. D'accord. Un là. Et j'en ai plus là. Est-ce qu'ils écrivent? Non. Oui. Peut-être. Voilà. Alors ça, c'est ce que vous voyez, c'est notre manque de préparation. Non, en fait, c'est pas un manque de préparation, c'est qu'on s'est pas compris dans la préparation. C'est un manque de synchronisation. Ah non, on est en train de distribuer les ardoises et de distribuer des feutres. Ah, les feutres. Mais je parlais pour... Pour le quiz pour parce le que quiz. Oui, alors, si vous n'êtes pas habitué... Bah tant pis, vous découvrirez. Mais si vous êtes habitué à l'émission, vous savez qu'à chaque fin d'émission, généralement, il y a un quiz que je fais d'ailleurs en règle générale. Mais là, il pas voulait, il voulait là... pas. Non, mais ce soir, il a pas voulu. Vu que c'est une émission avec le thème du son et que Daniel m'a envoyé pas mal de sons en fait à écouter, je me suis dit bah il y en a 15. On peut les faire découvrir. Bah ouais, on peut les faire découvrir comme un genre de blind test, mais du son. Pas voilà, de mais au fur et à mesure, au lieu d'être tout d'un comme coup. Comme ça, ça change. Bien sûr. Voilà, vas-y, on va envoyer. Éventuellement, tu m'interromperas en envoyant, en me disant tiens, on en fait un. Eh ben on en fait un. Voilà, on en fait un. Voilà. C'est très bien. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Voilà. Let's run through that again. Okay. Would you like to shoot me now or wait till you get home? Shoot him now. Shoot him now. Alors en fait, you là... keep on at this. He doesn't have to shoot you now. Ha! That's it. Hold it right there. Il y en a deux personnages. Il discute et voilà. Il fait les deux. Oui, il fait les deux. Ah, il est fort. Faut qu'on écrive là. Dans... On parle pas. C'est des. Je vais vous aider. Ce sont des Looney Tunes. Ouais. Allez, on va dire lui. Alors pendant que vous écrivez, je vais vous donner une anecdote par rapport à Bugs Bunny. En fait, il a essayé plein de choses, mais pour faire Bugs Bunny quand il mangeait sa carotte, bah, il a essayé plein de choses. Et finalement, ce qui rendait le mieux, eh bah, c'était de manger la carotte. Ah, ça, voilà. Ça passe. Et en plus, il est recraché donc après parce que bah, forcément, il fallait. Il va pas manger autant de carottes. C'est hein, ça. Ouais. Et il a eu une réputation de personne qui aimait pas les carottes parce qu'il est recraché. En fait, d'accord. C'était pas ça. Fallait que. Il aimait les carottes, mais voilà. Bon, il fallait être pro. C'est ça. Voilà. Alors, Taffy Duck et Bugs Bunny pour Teddy et Kevin, et Albert et Bugs Bunny pour Thierry. Mère le chasseur. Ouais. Ah, alors ouais. C'était Taffy Duck et Bugs Bunny. Wouhou, wouhou. Premier point. Ouais. Bah, il y avait deux personnages, ça fait deux points. Hein. Non, en théorie. Ok. Oh, tu comptes les points comme tu veux. Hein. Ça fait. Ça. Ouais, ça fait. Et puis un pour Thierry. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ah, c'est moins bien. On en fait un deuxième finalement. Ah, bah, un deuxième, ouais, quoi. Ouais. Sans problème. Allez. In order to grow up to be a real cat, là, il y a aussi deux personnages. It is necessary to chase birds, catch birds, and eat birds. me cannibals? En fait, le deuxième, on l'entend pas beaucoup. C'est à la fin, sans rire. Le premier est le fils du deuxième. Oui, ça, j'avais cru comprendre. Ouais. Ok. Donc, le premier, alors, on va dire c'est birds, lui. Alors, Catbirds, Eatbirds, ils mangent des oiseaux. Ouais. Non, c'est pas ça. Ça, non. C'est un animal que les gens... Et Kevin, t'as rien ? J'ai rien, là. Alors, en effet, bah, c'est Sylvestre et son fils. Ah, merde. Ah ouais ? Ouais. Mais c'est version américaine, c'est Mel Blanc, hein. Oui, mais oui. J'avais compris que c'était en américain, fait, quand il même. Il est double tous, au final. Oui, il est double tous. Putain. Ah, donc faut juste trouver lesquels c'est. Bah oui. Voilà. Et du coup, moi, j'avais écrit Bunny, et... parce que je croyais qu'il y avait Bunny. J'ai pas compris. Et Sylvestre. Et Sylvestre, ouais. C'était Sylvestre. Que je me suis dit, ça sentait le Sylvestre, je sais pas pourquoi. C'est exact. Alors, à la fin des années 60, Mel Blanc interprète aussi des voix dans des dessins animés, tels que aussi Les Fous du Volant. Ah oui, ça te l'a, c'est Diabolo. Voilà, il interprète certaines voix. Par contre, dans les Tom et Jerry, là, il fait des effets vocaux. Là, il double pas, mais il fait des effets vocaux. Genre le cri de Willem. Comme je vous disais tout à l'heure, il a fait des instruments de musique, des poissons rouges, il a fait beaucoup de choses. Et jolie anecdote aussi par rapport à ses doublages. Mel Blanc a eu un accident, il est tombé dans le coma. Chez. La légende dit qu'un médecin l'aurait aidé à sortir de son coma en s'adressant à lui, donc le médecin, comme si le médecin était Bugs Bunny. Ah ouais. Il a imité Mel Blanc pour. Voilà, parce que ça marchait pas, il n'arrivait pas à le What faire. Quoi, neuf docteur. Et le gars, il s'est réveillé en disant mais ton interprétation est nulle. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'il s'est réveillé. Il lui aurait demandé par WhatsApp, mais bon, comment allez-vous aujourd'hui, Bugs Bunny? Et apparemment, Mel Blanc aurait répondu avec la voix de Bugs Bunny. Ah ouais. Donc il n'a pas arrêté de dire après que finalement Bugs Bunny lui a sauvé la vie. D'accord. Ça laisse des séquelles, hein. Ouais, je crois. On passe à un autre extrait. Alors je joue un personnage moins connu. Now you know the rules. Stand back to back, stop pacing, and when I count to three, turn and fire. A one and a two and a three. Je vais vous aider. Un personnage de basse-cour. Putain, je sais qui c'est. J'ai plus le nom. Il s'appelle ce coq énorme. Oui. Ah, mets le coq si tu veux, c'est bon. Le coq, t'acceptes? Ouais, bah tant que je l'ai dit. Hein. C'est le coq, mais je sais pas s'il s'appelle comme ça. Je sais pas comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle aussi. Non, Charlie. C'est Charlie? Charlie le coq. D'accord. T'as mis quoi? T'as mis le coq? Oui. Oui, il nous a dit qu'il acceptait. Je sais pas, moi je me suis dit, je vais mettre Bucky. Charlie, il est à cocolaterie. Ouais, Charlie, il est à cocolaterie. Par exemple. J'ai tenté un prénom. C'était mais pas bon, je suis obligé de refuser la réponse. Mais non, mais c'est Yves parce le que coq. J'aurais écrit Bucky le coq, tu vois, ça aurait marché. J'ai dit j'accepte le coq. Putain, c'est... Mais il a pas entendu. Tu vois? Si, j'ai entendu, mais je voulais pas que ça soit aussi simple. Moi, je suis beaucoup trop sadique pour accepter la simplicité comme ça. Tu passes le quatrième? Bien sûr. Il est bien comme ça. Congratulations, Bunny. You are a mother. That's not funny, Barney. Look. Je vais vous aider, je l'ai cité tout à l'heure. C'est un personnage, c'est pas un animal ce coup-ci. Bon, éventuellement, vous pouvez réécouter en podcast l'émission si vous voulez retrouver ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, j'ai pas assez de temps pour l'écouter. Il y a tellement de choses. Et on est d'accord, il y en a deux là, non? Non, il y en a un. Enfin, il y en a surtout un parce qu'il y a sa femme qui répond en fait. Mais moi j'en veux un. Je comprends rien. Buddy? Non? Non. Non, non. Bah, c'est Barney Rumble, Barney Laroche des pirates. Tout à l'heure, t'as parlé d'Elmer, mais c'est parce que Thierry avait écrit Elmer, je crois, c'est ça? Oui, il a parlé de chasseur tout à l'heure, je pense. Je me suis dit, ça pouvait être lui, tu vois, mais non. Le petit cochon chasseur. C'est un fake. Alors, dans tous les personnages qu'il a fait, je vais vous en citer quelques-uns avant de terminer la vie de Mel Blanc et puis de faire les deux autres extraits. Il a, parmi les principaux, donc il a fait Porky Pig, Daffy Duck, Bugs Bunny, Woody Woodpecker, Titi, Sam le Pirate, Pépé le Putois, Gros Minet, Charlie le Chien, Marvin le Martien, Bip Bip, le Coyote, Will le Coyote, Mickey Buzzard, ah, ça c'est un qui est resté aux USA, Speedy Gonzales, on en parlait tout à l'heure. Aliba, Gonzales, Taz, donc le diable de Tasmanie. Voilà. D'accord. Il a tous fait. Voilà, ouais, vraiment, c'est Taz, c'était bizarre quand même. Ouais. Voilà. Ça, c'est comment bien baver sur le micro, ça. C'est ça. Il a doublé aussi. Enfin, il a doublé. Il a fait. Est-ce le, qu'il a le mis bruit. Son clignotant à chaque fois qu'il a doublé? Oh, bah, il a dû l'user plusieurs fois, son clignotant. Les ampoules, il a changé. Je pense que Taz, c'est le seul. Qui a pas subi de doublage français ou quoi que ce soit. Ça. Donc là, il faisait. Ah, bah, bah, bah, pff, ça, peur, et il faisait vraiment ça en plus. Ouais, non, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Il faisait le bruit du robot de Tweaky dans Buck Rogers. Et bon, son dernier personnage, c'en est un qu'on ne connaît pas en France qui s'appelait Isidore. Isildur. Ouais, Isildur. D'accord. D'accord. Alors. Ah, on fait les deux derniers, puis après je finirai avec une petite anecdote très d'accord. rigolote. Bah, les deux derniers, bah, le cinquième, il n'y a qu'un personnage à trouver. El gringo pussycat probablemente. Ole, arriva, epa, merde. Arriva, andale. Non, j'allais mettre autre chose. Il a failli se planter. Il a failli se planter. Excellent. Alors, bah, Teddy et Thierry ont déjà écrit Speedy, mais alors c'est pas un Speedy de l'écriture, ah, Kevin. Donc, hein. Va, non, donc, mais en fait, Speedy. J'ai raté c'est... au début. Speedy Gonzalez, donc Gonzalez, c'est bon. Ouais. Mais ah. Pour le sixième, mais en fait, il devrait être. J'ai failli écrire Slowpoke. J'ai failli me tromper avec son pote. Pour le sixième, ça devrait être facile. Il y a deux personnages aussi à trouver. D'accord. Acres and acres of Tweety Bird, and it's mine, all mine. I told a itty bitty putty cat. Oui, alors Thierry a déjà trouvé. J'aurais pu l'écrire en anglais, hein, mais. Ouais, ouais. Bon, il y en a un en anglais. Ah ben si, c'est aussi en anglais. Ouais. C'est les deux duos. Ouais, c'est les deux duos. C'est Titi et Grosminet. Oui, Tweety ouais, Bird. Tweety, oui. Ouais, ouais, je me disais, ils vont... Ah, parce que Thierry, il a un avantage, il comprend l'anglais. Oui. Ouais. Alors, j'ai un énorme Tweety désavantage. Tweety qu'on retrouve sur Twitter, évidemment. Bah, avant de vous donner l'anecdote, je vais être sympa. Je vais vous donner les résultats, là, pour l'instant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 6 pour l'instant. Ah, t'as 6 points, Teddy, hein. Wow. Ça a l'air si nul que ça. Bah apparemment. Non, c'est qu'on est vachement bon aussi. 6 fois hein. Je l'ai. Sur 9 possible là. Hein. Sur 9 possible. Allez, j'ai Kevin, raté le coq. Bah t'en as 6 aussi. Et Thierry ah. Et bah t'en as 6 aussi. Non. Moi, et Thierry il en a 5. Ah, c'est pas loin. Ah. On n'est pas loin. Oui alors donc la petite anecdote pour alors je sais pas s'il l'a fait exprès si c'est une note d'humour. Mel Blanc a formé son fils au doublage pour qu'il puisse prendre sa suite. D'accord. En fait bah non. Bah non, le fils en a fait un peu, mais c'était pas son truc. Il n'arrivait pas à faire Taz. Essayez de deviner quel prénom il a donné à son fils. Bugs. Ah. Bunny. Non. Cherchez pas. C'est pas. Ah. C'est pas un personnage. Donald. Bah non, c'est pas un personnage. Je reconnais un autre Donald. Trump. C'est un Pepsi. Prénom. C'est un prénom très français. Kevin. Bah non, non Roger. Non. Je sais pas. Emmanuel. Kevin. Non. Non, déjà dit. Daniel. Non. Teddy. Non. Thierry. Non. Oh, je vais être sympa, je vais le donner. Bah, il s'appelle Noël. Ah ouais, bon, Noël. J'avais trouvé. Ah, Noël Blanc, ça va bien. Hein. Ouais, ouais Noël Blanc, bah, ça passe. Hein. Ouais, il y a une chanson qui s'appelle Noël Blanc d'ailleurs, une chanson de c'est Noël. Ah non, il s'appelle Noël Blanc du coup, non. Non, non, c'est Blanc parce qu'il a changé son nom en Blanc, de Blanc à Blanc. D'accord. Donc certes, il s'appelle Noël même Blanc. Officiellement quoi, c'est pas son nom de scène quoi. D'après ce que j'ai vu, apparemment oui, officiellement il l'a changé. D'accord. D'après ce que j'ai vu, maintenant des fois, vous savez qu'en temps on est quand même limité, on ouais. est pas, et puis on n'a pas une équipe de 50 personnes qui personne, travaillent pour ouais. nous. Donc... Hein oui. Et, oui. Bon, on parle de Roger Carrel après. Ouais, c'est ce que j'allais te demander après, ouais. c'était qui donc Roger Carrel. Donc ouais. avant on va voir Jasmine Thompson. Ah bah ça tombe bien, je suis content pour toi. Happy for you. Ah, tant mieux. Peck Avenger, c'est comme... Dans Donald Duck. Mais en différent. Alors, ça tombe bien d'avoir mis Donald Duck, vu qu'on était en plein dans le thème des Looney Tunes, quand même. Ouais, mais il n'en avec... fait pas partie. Ah oui, je ah. confonds avec... Ouais. Je confonds ouais. avec Daffy Duck, ouais. Ouais, clairement. excusez-moi, j'avais pas fait attention que c'était reparti. Ouais. Daniel, coucou, Daniel j'ai au secours, on est là. C'est le débarquement. Où est mon dentier? Daniel Duck en direct. Ouais, c'est ça. Donc, après il Mel Blanc, tu nous, as... sa tu nous as préparé quelqu'un d'autre après Mel oui, Blanc. Oui, Roger Carrel, qui est un peu, on va dire, le roi, l'empereur, le prince. Le Mel Blanc français Ouais. C'est un peu différent quand même. D'accord. C'est... Non, c'est le Roger Carrel français. C'est d'accord. Le mieux. Et le Mel Blanc, c'est le Mel Blanc américain, tu vois. C'est... D'accord. Voilà, d'accord. C'est... Et bah, pourquoi pas. Alors lui aussi, bah, il est mort en... il y a pas longtemps, en 2020, mais il est né en 1927. De son oh la vrai vache nom, ouais, de son vrai nom, Roger Bancharel. Alors, il a pas... lui aussi, c'est pas arrivé comme ça. Ça a pas été une... il y a une petite histoire. Au début, il voulait être prêtre. Ah ouais, quel... Il y a une cohérence là-dedans. Ouais, ah ouais, c'est ça. Il s'est dit, je peux pas être prêtre, je vais être doubleur. Ouais, ouais. Ouais. Alors, après, bah, il s'est dit, non, prêtre, ça me va pas. Je vais devenir ingénieur, je rentre à l'école centrale d'électricité. Putain, d'accord. Encore plus d'opposé, quoi. C'est ça. Ouais. Alors, ça est-ce qu'il a pris un coup de jus qui a remis les idées en place, j'en sais rien. Ouais. Ou est-ce que ça lui a dé-enlevé les idées en place. Ouais, ou ça y a remis, je sais pas. Et puis, ouais, finalement, il s'est mis à faire de la comédie. D'accord. D'accord. Tu passes de religieux à scientifique et après milieu artistique. C'est ça. Wouh, la vie est une farce. Tiens, ouais, pour le connaître un petit peu, je t'ai mis un extrait d'interview qui dure un peu plus de 2 minutes. Ouais. Et on l'entend donc parler de sa vie. Il y a certaines voix qu'il fait aussi. Je pense que ça peut être sympa de l'écouter maintenant. Eh ben, on écoute. Où vous la prenez, votre voix? Comment faites-vous? Pour moi, je déplace beaucoup ma voix, mais alors tout à fait inconsciemment, parce que dès mon plus jeune âge, j'ai toujours impressionné mes camarades, même quand j'étais au collège, parce que même, je sais pas, à l'âge de 12 ans, je pouvais faire une très grosse voix et les impressionner. J'avais 12 ans, j'étais un petit bonhomme comme ça, et je pouvais faire, dites-donc là-bas, qu'est-ce que ça fait? Venez-nous un peu ici voir. Et les malheureux étaient terrorisés parce que je pouvais déjà faire une grosse voix, comme je peux monter dans l'aigu. Mais ça, je suis totalement irresponsable, voire mes parents pour ça. Pourquoi vous n'avez jamais travaillé justement ce grand registre vocal? Non, je l'ai fait d'abord naturellement. Quand je racontais une histoire, les voix me venaient. J'avais beau être très jeune, je pouvais faire une voix de vieillard, être complètement comme ça. Alors ça agrémentait mes histoires. J'étais déjà un petit peu cabot. Oui. Il y avait aussi les Aristochats. Une petite souris qui parlait assez brièvement. Oui, oui, qui est un personnage un peu bref, comme ça, et rapide. Un gros chien, la fraguette, un petit peu baveux sur les bords et tout ça, genre de charme. Mais pour moi, c'est toujours savoureux. Et dans les Muppets, on en avait fait plusieurs, je crois. Ah oui, Kermit, la grenouille. Il y avait également un vieux savant, oui. Alors, un vieux savant qui parlait comme ça. Puis il y a des deux vieux aussi, vous savez. Ah oui, un des deux vieux, oui, c'est ça, oui, un personnage comme ça, qui jouait, j'avais un œil qui sortait souvent comme ça, qui s'orbitait. Et comment, vous avez essayé plusieurs avant de choisir celle-là? On essaie toujours de trouver la voix qui sort bien. Alors, on fait des essais, effectivement, même... Quand tu as une voix originale, j'entends, si on n'a pas déjà la voix du étrangère. Alors, il faut essayer de voir ce qui sort mieux. Si vous avez un personnage très rond, très... Alors, à ce moment-là, vous êtes obligé de prendre des paires de voix beaucoup plus graves ou des choses comme ça pour que ça sorte de cette énorme basse, voyez-vous. Et si on a l'impression que la voix sort bien du petit personnage, si elle est maligne, voyez-vous, si c'est une voix brève qui colle avec ce petit personnage très actif, alors on se dit, tiens, la voix colle mieux. Alors, Mr. Magoo, c'est un personnage complètement farfelu, très bien, voyez-vous, et qui est toujours distrait, mais qui triomphe toujours de tous les écueils. La séduction dans la voix, c'est quoi? Pour moi, laisser le charme, ce serait de vous faire ce que font les Italiens en général. Quand ils font les charmes, ils parlent toujours d'une façon très douce et très calme. Et là, est-ce que vous êtes séduite? Ah, hein? Parfaitement. À tout à l'heure. Voilà, il a séduit la journaliste. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai trouvé extraordinaire cette interview parce que bon, j'ai coupé juste certains passages de la journaliste. Mais en direct, il reprend les voix qu'il a déjà faites. Sans se dérailler, sans se tromper, j'ai trouvé ce passage assez extraordinaire. Parce que comme il l'a dit, au final, c'est assez naturel pour lui. Oui, c'est cool. C'est ça, même pas qu'il a recherché des voix, il a presque pas travaillé au final. C'est naturel. C'est naturel, oui, c'était naturel. C'est un don, on appelle oui, ça. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Et alors, il a sorti un livre autobiographique qui s'intitule « J'avoue que j'ai bien ri ». D'ailleurs, on a pu voir qu'il avait beaucoup d'humour pendant cette interview. Il a joué dans 29 pièces de théâtre, 55 films, 10 courts-métrages, 47 téléfilms et 60 séries d'animation. Ok. C'était quand même un prince du doublage. On refait notre petit jeu avec les trois premiers. Alors, à chaque fois, il y aura un seul personnage à trouver. D'accord. Ah, et... Voilà, donc on fait le numéro 1, on va faire une série de 3 là. Une série de 3. Pierre. Deviennent lourdes, tu as de plus en plus sommeil, tu n'es plus un chat. Alors là, pour les plus jeunes, ça va être plus dur. C'était un extraterrestre, je vais aider. Ah. Merci pour l'indice parce que j'aurais pas trouvé ça. Je me disais que peut-être je suis un chat. C'est pas un extraterrestre, non, moi non, je pense à E.T. Non, c'est pas E.T., c'est pas l'extraterrestre. C'est Thierry à la réponse. Bon, c'est vrai que j'ai un peu aidé avec l'indice. C'est Alf. Alf, qui voulait manger des chats parce que sur sa planète, les chats, c'était le mets de choix. Ouh, le petit chat. On courait toujours après le petit chat. Donc Thierry revient sur la première dans manche. Thierry revient, Thierry. Le 2, vous allez peut-être trouver, ça peut-être plus facile. Comme le 3, vous allez voir. Je naviguerai jusqu'au pays des Vikings et je ramènerai Goudurix. C'est par là, Obélix. Bon, oui. Ouais, hein, j'ai voulu être sympa. Oui. Le suivant aussi, je suis sympa. Ouais, vu que je pense que t'aurais pas rajouté la fin. Ouais. Ah si. Si. Je vais au pays des Vikings, ouais, juste ça, on l'aurait deviné, je pense. C'est évident, c'est Astérix. C'était évident. Et le troisième aussi, vous allez voir, c'est simple. C'est évident. Après les suivants, c'est pas obligatoire, mais on s'arrêtera au troisième. Pourquoi personne ne m'écoute ? Je ne vois vraiment pas en quoi cela peut nous aider. La reddition est une alternative parfaitement acceptable dans certaines circonstances. Est-ce que c'est lui ? Non, pourquoi c'est pas personne lui. Ne m'écoute ? C'est un personnage de science-fiction de... C'est bon, j'ai... Voilà. Acceptable dans certaines circonstances. Je crois. C'est un sabre. Non, c'est un robot. Ah. Ouais, c'est bon, j'ai... C'est un robot. C'est un robot d'une saga de science-fiction. Je ne saurais pas. Dont on fait depuis 2 ans des spéciales à la fin de chaque année. Bravo pour les indices. Hein. Voilà. Il y en a beaucoup quand même. Ouais, ouais. Merde. Bon, allez, je vais te mettre un... voilà, allez. Hop. Ouais, c'est ces 3 points, je suis gentil. Il y a quand même beaucoup d'indices hein, qui ont été donnés. Ouais, ça, j'avoue. Je n'étais pas dedans. Voilà. Je savais que je l'avais entendu quelque mais part. Je l'ai trouvé à la reddition en fait. Quand il a dit reddition, il avait une particularité pour le dire et c'est ça qu'il m'a dit. Mais c'est lui. Je me suis dit à la voix que t'allais trouver, je pensais aussi. Je l'avais dans ma tête. Enfin, je savais que je l'avais entendu, mais j'arrivais pas à replacer où. Par contre, je savais pas si pour Thierry ça allait être simple ou pas de trouver. Alors, donc, bon, il a pas fait que des voix originales, il a doublé aussi pas mal de grands acteurs, dont Peter Sellers. Alors, la liste est assez longue. Peter Sellers, Peter Ustinov, Jack Lemmon, C-3PO justement, Anthony Daniels, Oliver Hardy, il a fait aussi Eli Wallach, Rod Steiger, Jerry Lewis, Pat Morita, Charlie Chaplin, il a fait aussi lors du film qui était pas muet, Le Dictateur. Et en tout, il a doublé des acteurs dans 104 films de cinéma et, ah tiens, bah, c'est le même chiffre, 104 personnages de dessins animés. Oh, c'est beau. Donc ça fait 208... Voilà, doublage. C'est bien, t'es bon en maths. Voilà, c'est très très très... Je suis meilleur en maths qu'en anglais. C'est vrai. Et il a doublé aussi des acteurs dans 60 séries télévisées. Ah ouais. Dont Frank De Luca dans New York Police Judiciaire. Benny Hill, c'était lui la voix de Benny Hill. Dans Sheriff Fais-moi peur, il fait Boss Hogg. La petite maison dans la prairie, bah, c'est lui qui fait Charlie Ingalls. Il fait la prairie. Dans Dynasty, dans New York Unité Spéciale, il fait Hercule Poirot. Il fait aussi Alf, comme on a vu. Et petit vous avez pu entendre aussi le petit chat, oui. Et vous avez pu entendre aussi Kermit la grenouille du Muppet Show. C'est vrai. Ouais. On fait le 4, 5 et 6. Allez, deuxième série de Roger Carrel. Merci, votre Altesse. Il méritait d'être un vrai petit garçon. Oh, ça, je sais. Oh, c'est dans Pinocchio, ça. Mais Bah oui, mais... C'est qui le petit personnage au chapeau. Ah oui, espèce de cricket. Ah oui, Jimmy Lee. Putain, mais il le dit en plus. Il le dit en plus. Je vais être honnête, je vais rien noter vu que j'aurais pas su. Bah si, moi j'allais écrire Cricket, mais s'il s'appelle Jimmy Lee, je vais écrire Jimmy Lee. Ouais, bah non, mais oui, t'as dit ah oui. Ah oui, oui, bon. Bon allez, c'est Jimmy Lee Cricket, je vais être gentil, je vais être... Je suis pas comme Teddy, moi je mets un point quand clair. Même. Hein. C'est clair que c'est vachement... C'est agréable. C'est agréable, ce salaud qui nous dit. Quand c'est moi, c'est agréable. Voilà. Aussi un autre personnage de dessin animé. Qui... J'en ai mis des faciles, contrairement à Mel Blanc. Enfin, si tu parles par-dessus, ça bon, rend pas la chose facile. Je sais plus son nom, mais c'est... Oui, c'est ça. Aie confiance, crois en moi. Putain, j'hésite entre deux. Bah, maison 1. Nous sommes dans la jungle. Ouais, c'est un personnage de livre. du livre de la jungle. Alors non, ça est... Non, c'est aucun. Non. Oui, c'est le serpent du livre de la jungle. Je connais pas son nom. K. Ah bah oui, mais en même temps. Ah, il l'a dit juste avant. Ouais. J'ai dit, ça m'arrête très pratique. Quand même. Bon, il l'a dit juste avant moi. Donc il a dit qu'il était gentil, Daniel. Ouais. Un peu pour tout le monde. Enfin, j'ai dit le nom pile poil quand même. J'ai écrit serpent le livre de la jungle. Pour le suivant, il y aura plusieurs voix. Donc, il y aura qu'un point. Mais j'accepte soit le nom d'une voix ou soit le nom de la série dans laquelle sont ces voix. D'accord. D'accord. Voilà, il y a beaucoup de monde. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est super bon, gars, t'as fait du bon boulot. Non, sans blague, hein, j'ai jamais vu le parquet briller comme ça. Bon, je n'ai pas réussi à trouver de l'huile de coude. Ça ne m'étonne pas trop. Alors j'ai utilisé de l'huile pour roulement à l'huile. Je sais pas d'où est-ce que vient cette connerie. J'espère que c'est... J'en ai parlé tout à l'heure en plus. Oh merde. Bah oui, t'as donné des listes. Moi, je me rappelle d'une série où ça parlait tout le temps d'huile de coude, mais ça s'appelait ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, la vie des bottes. Non. Non. J'en ai aucune idée. Non, là, non. C'est aussi une vieille série. Bah, de toute façon, oui, Roger Carrel. Oui. Il est pas tout jeune. Il est pas tout jeune. Il est vraiment plus tout jeune maintenant, d'ailleurs. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'était le Muppet Show, j'ai parlé tout à l'heure. En plus, il a fait la voix de Kermit là, dans son interview. Sûr. Mais oui, mais là, je sais pas, j'ai pas réussi à reconnaître. Voilà, et la première, c'était Kermit. Oh, la déprime, là. Ouais. Et donc, il a fait aussi des films d'animation. Alors, il a fait Astérix, comme on a entendu. Ouais. Maestro, il était une fois l'homme. Winnie l'ourson, donc c'est lui. Pongo, les 5 dalmatiens. K, le livre de la jungle, comme on vient de voir. Bernard et Bianca. Jimmy D. Cricket. Le chat Chester de Alice. Basile des détectives privés. Il a fait aussi Mickey dans les années 70. Et la voix de Jolly Jumper, bah c'est lui. Ah ouais ? En vrai ? Ouais. Il est partout dans le... C'est paf. Ça ? Ouais, il est partout. Paysage, audio, visuel, français. Et paf, c'est bon. On l'a entendu partout, on le connaît tous, ce gars. C'est ça, ouais. Oui, on le connaît tous, mais on sait pas obligatoirement que c'est lui. Oui. D'accord. On sait pas qu'il est mort aussi, mais... Sa voix est dans 24 jeux vidéo... Évidemment, Astérix, Star Wars, parce que c'est C3PO. Ouais. Et il a fait aussi des feuilletons radiophoniques, des pubs, radiophoniques, des pubs. Vraiment, quand tu dis qu'il est partout, il est partout. Et avec Lina, avec toutes les archives, on risque de l'entendre encore longtemps quand même, ce monsieur. Et il a même aussi été décoré de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, donc il a reçu des récompenses. C'est un chevalier, ça ? Oui, c'est un chevalier. Mais quoi, il lance des lettres ? Ouais. Un chevalier qui lance des lettres. On fait pour conclure Roger Carrel. Chevalier des chiffres et des lettres. Allez. Alors, à chaque fois, un seul personnage. D'accord. Petite aide. J'ai cité tous les noms des trois derniers déjà, depuis le début. Génial. On peut rêver, et alors dans ce cas-là, le temps nous joue des tours. Savez-vous que pendant très longtemps, on ne mesurait pas le temps ? Ah. Hop. Allez hop, bim ! Wow, t'as été rapide, Teddy. Ouais, je l'ai reconnu direct. Boum. Ah ouais. Je suis trop fort. Je vais encore mettre ça, mais c'est quoi ça ? Non, c'est pas lui. Bah, c'est un monsieur, va. C'est pas... Non. Qu'est-ce que c'est écrit comme connerie, Kevin ? Non, c'est... Non, Maître Hibou. Maître Hibou, c'est pas Mister Magoo non plus. C'est con, tu l'avais à moitié. C'est Maestro, le savant. Il était une fois, donc l'homme. Ah ouais ? J'ai beaucoup regardé cette connerie quand j'étais l'homme jeune. L'homme blanc, l'abominable, l'homme... Ouais, la barbe blanche. L'homme du savoir. Et le générique horrible. La vie. Enfin, je m'arrête là. Ouais, c'est pas que le générique qui est horrible. Hein. Oui, je comprends. On dit quand je chante, mais alors toi t'es pas mieux. Hein. Et le compteur qui défile dans l'angle de la télé. Nous allez, l'avant-dernier. Ouais, 1190. Un des personnages le plus célèbre qui existe. Bah, c'est toi. Hey, oui. Je suis là pour vous aider. Quoi ? Je viens pour nettoyer le trou. Je viens quoi ? Quoi ? Quoi ? Ça. Hey, je suis là pour vous aider. Quoi ? Je viens pour nettoyer le trou. Pour les quoi ? T'occupes, faut trouver la voix. C'est vraiment l'un des personnages les plus célèbres de dessin animé. C'est pas un manga ? Non, c'est pas un manga. C'est pas un manga, non. Non, non. Si je vous donne un indice, vous allez trouver, là. Ouais. Ouais. Ouais. Donne carrément la réponse, parce que là, on est sur le cul. Ouais, ouais, on est tous les trois dans le blanc. Ouais. C'est Mickey. Oh non ! Ah bah, on s'est fait Mickey. Ah ouais, là ! Vraiment ? Ouais. Hey, je suis là pour vous aider. Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est lui. Hein. Mais articule. Il a mal fait son propre doublage. Articule quand tu ouvres les oreilles. Non, je pouvais pas mettre quand même quelque chose de trop simple. Ouais, pour déjà ouais, que je suis gentil, alors. Je pense qu'il a dû doubler les premiers Mickey. Non, c'est limité des années 70, ou alors peut-être les premiers sonores en ouais, France. Mais ouais, mais parce que. Enfin, personnellement, ça a changé. Enfin. Pour moi, j'ai pas connu cette voix-là, tu vois. Et puis moi, je vous dirais que j'ai beaucoup lu le journal de Mickey, mais pas forcément regardé beaucoup. Ouais. Non, moi, j'en ai vu, et puis même mon fils, il en a regardé en plus. Mais c'est pas pareil, la voix. Maintenant, il a placé une voix de taré. Comme ça. Vraiment. Vraiment. Bah, c'est bien. Tu vas pouvoir proposer tes services, là. Hein. Oui. Ouais, ouais, ouais, y a pas de problème, là, c'est bon. Hein. Tu peux commencer ta carrière. Le dernier, il a une voix très caractéristique. J'espère que vous allez trouver quand même finir en beauté. Main en l'air et main en bas, ça ouvre l'estomac. Alors oui, il a une voix très atypique, hein, comme on l'a dit. Il chante. Je crois que Kevin a trouvé, d'après ce que j'ai vu s'inscrire. Qui c'est qui mange tout le temps celui-là? Non, non, t'es dit. Non, mais j'avais pas écrire pas ça du tout, ça, c'est ça le problème. Il a une petite voix, ça doit pas être ça. Ah bah si, c'est ce que j'ai écrit. Je voulais écrire les Aristochats, mais quand j'ai vu la réponse de Kevin... C'est Winnie l'ourson. Ah ouais. Ouais, parce que je me disais, qui c'est qui bouffe tout le temps? C'est Winnie. Ah ouais, c'est bien pensé. Par contre, la voix me paraissait bizarre. Je pensais qu'elle était plus petite que ça. Non, cette voix un peu plus ou moins grave. Mais oui, avec... Ah bah, y a plus de miel. Peu cher. On dit toujours. Alors, Avec son porciné à côté, c'est ça. Ah ouais. C'est quand même serré, hein. Vous êtes quand même bon, c'est quand même serré. À un point près, c'est ça. À un point près. Kevin et Thierry ont 10 points, Teddy en a 11. Ah oui. Oh putain. Ouais. Tu m'as fait peur, j'ai cru que j'étais à la traîne. Et parce que j'étais gentil, sinon tout le monde serait. Ouais, vu que le C3PO, t'as été gentil. Ouais, quand même. J'étais très gentil. Ouais, c'est vrai. Donc, comme j'ai été trop gentil, je vais dire que tout le monde a 10 points. C'est l'école des fans. C'est ça. J'ai quand même gagné. C'est parce que il y a plusieurs reprises tu m'as arnaqué. Donc j'ai été trop gentil. Ça sent la petite vengeance des familles. On s'en fout. C'est super bien amusé dans cette émission. C'est le principal. Ouais. Oui. Ça, c'est ce que ça. On a foutu le bordel. C'est impeccable. En parlant de son, foutre le bordel, c'est pas mal. Hein. Bah c'est pour ça, oui. Ce qu'on peut dire en attendant, c'est que cette émission elle est disponible en podcast sur indestar.fr. Voyons. Bah, dans tous les bars. tu commandes au barman, tu dis je voudrais un pot de cast. Ouais, et il te donne un pot de. Je crois qu'ils sont de partis cast. Loin là. De cast. Voilà. Donc du coup, tu rentres dans la cast. Enfin bref, c'est une sec. Il te dit caste-toi. C'est ça. Tiens mon pote, casse-toi. Sinon je te castre-toi. Non mais oui, on peut le retrouver en podcast. D'ailleurs c'est pas la seule émission qu'on peut retrouver en podcast. Non. On peut retrouver Starter aussi le lundi de 21h à 22h en podcast aussi. On peut retrouver Actu Solide le mercredi de 21h à 23h en podcast aussi. Et les spéciales aussi du vendredi. Les spéciales, oui. Les spéciales du vendredi d'ailleurs. D'ailleurs, oui, on a un petit message à passer. On est désolé, la semaine dernière il y a eu vraiment un gros contre-temps. On n'a pas pu... Mais le contre-temps c'était RCR de Théo. Voilà, hein. Donc voilà. Non, parce que vous avez dû voir la publication. Hein, que, si vous avez suivi, je l'ai expliqué lundi. On avait prévu une émission Maison et Jardin vendredi dernier, mais on ne l'a pas fait pour faire un anniversaire surprise à Théo. Parce que comme ça, il se doutait de rien du tout. Il croyait qu'il avait radio. Il s'est pointé. C'était assez marrant. Il y avait personne. Il était à Tours. Enfin, à Tours. Quelque part où je l'ai indiqué en disant oh, je suis en panne, viens me chercher. Il est venu me chercher et j'ai dit bon, tu veux, on va aller manger au resto qui est juste à côté avant. Ouais, et puis voilà. Pouf. C'était un gros cadeau qu'on voulait lui faire parce que c'est vrai que ça fait des années qu'il se démène pour cette radio. Et on est désolé. Bon, voilà, on pouvait quand même lui faire et ce petit cadeau. Et grâce à lui, cadeau. Vous êtes au moins. 5 à nous écouter. Donc cette émission aura lieu demain. Ouais. Oui, Maison et Jardin, on est voilà, d'accord. Sauf si on trouve un nouvel anniversaire à fêter. Parce qu'on est la seule radio où on annule les émissions pour fêter les anniversaires. Voilà. De 21h à 23h aussi, c'est ça, Daniel? C'est ça, normalement. Selon l'anniversaire. Voilà, selon l'anniversaire. Mais bon, là c'est promis, demain à partir de 21h, on sera là, on vous parle Maison et Jardin, mais évidemment en façon une des stars. Ouais. Façon fun, c'est pas drôle. Voilà. Façon doublage. J'ai des tomates, elles ont le milieu. Non, c'est pas ça. Bien. J'ai un pote âgé avec. Voilà. Il a le milieu aussi, mais c'est d'autres choses. C'est lundi, un autre milieu. Lundi prochain, dans Starter, vous parlez de quoi, Teddy? De moteur. Oui. Moteur, action. Ah, mais c'est du cinéma. Je sais plus. C'est pas ça ? C'est les marques chinoises. Voilà, ça m'est revenu. Wow. En montrant le téléphone, ça m'est revenu plus facilement. Ah bah tu m'étonnes, c'est bizarre quand même. C'est étonnant, mais oui. Non, le pire, c'est qu'on en a parlé lundi avec Théo, mais oui. Oui, les marques chinoises, on va parler de la voiture chinoise. Et la voiture dans le garage, je sais plus ce que c'est. Il a pas ouvert le garage, c'est pour ça. On a pas ouvert le garage. C'est une Volvo. Oui. Volvo repris par les Chinois. On va parler de Volvo, effectivement. Ils rachètent tout, de toute façon. C'est ouais. Même ce qui est pas à vendre. Voilà, voilà. Ouais. Et leur actus solide, je sais pas où est-ce qu'ils vont partir, mais ils vont partir. Hein. Alors, c'est mis, ils partent à la bibliothèque. Ouf! Ça, c'est un endroit que Amélie n'a pas l'habitude d'aller. Hein. Bah, elle sera perdue. Elle sera perdue. Ouais, ouais. Allez, ça, c'était pour toi, Amélie. Salut! Elle va évidemment. Elle va découvrir le livre. C'était quoi, Amélie? Une vraie jungle, le livre. Moi, je vous invite à les écouter si vous avez envie de voir s'ils vont répliquer ou pas. Cette Et nous, la semaine prochaine, donc. Une fois par mois, souvent le dernier vendredi de chaque mois, on reçoit une jeudi, artiste. Jeudi. Donc, c'est vrai. Pourquoi je suis resté à vendredi? C'est avec ton émission spéciale, bah Daniel. Oui, ça perturbe. Hein. Tu m'as déréglé. Donc, on va recevoir Mariotte la semaine prochaine. Mariotte. Je pense à Papillotte. Peut-être parce que ça arrive. Mais... Ça y est, il commence. C'est une c'est artiste... déjà Noël. Ah, faudra écouter parce que franchement, atypique. Là, c'est un univers inclassable. C'est inclassable. C'est très bien ce qu'elle fait. Franchement, j'ai été. Je dis souvent que je suis séduit, etc. Mais là, j'ai été épaté. Il a fait tomber sa chemise tellement que. Et c'est pour ça que depuis, je chante Tombé la chemise. Après, donc, j'arrête de chanter. Après cette petite musique de Daniel, je pense qu'on peut le. On va mettre de la vraie musique. Ouais. Bah, c'était de la vraie musique. Jonas L. Ice Cold. Ah, t'es aussi bien que moi, t'as vu. C'est ça, t'as dit. Oui, c'est ça. Jonas L. Ice Cold. Sel comme. Comme sel. Et cold comme froid. Gars, on va vous laisser là-dessus, puis bah. Salut, à jeudi prochain. Bisous. Salut. Sayonara. Apéro. Apéro. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.